Le théâtre où l'on s'amuse. Une production et réalisation de Jean Chouquet et Philippe Soupeau. Nous avons le regret de vous faire part de la clôture définitive du théâtre où l'on s'amuse. Pour cette dernière émission, nous avons choisi un des chefs-d'œuvre du théâtre contemporain, le Rendez-vous de Senlis, que son auteur Jean Anouilh a bien voulu nous autoriser à monter et à diffuser. Nous lui adressons nos plus vifs et nos plus sincères remerciements. Nous sommes heureux d'achever cette série d'émissions en présentant une comédie qui est à la fois profonde, poétique et comique. Les personnages sont doués d'une vie hallucinante. Ce sont des types admirablement dessinés. Vous les reconnaîtrez. Sans doute ces scènes qui font rire parce qu'elles sont vraies ne sont pas exemptes d'amertume, mais c'est précisément parce qu'elles sont vraies. Ici, le comique dépasse l'amertume. Et grâce aux excellents comédiens qui en interprètent les rôles et donnent tout son sens au texte de l'auteur, le Rendez-vous de Senlis laissera, nous en sommes sûrs, aux derniers auditeurs du théâtre où l'on s'amuse, le souvenir d'un chef-d'œuvre. Jean Chouquet et moi-même, nous prenons congé de ceux qui ont fidèlement écouté ces émissions du théâtre où l'on s'amuse, en les remerciant d'avoir bien voulu, en nous écrivant, soutenir les efforts que nous avons tentés pour présenter un théâtre où l'on s'amusait, ce qui, nous le savons par expérience, est plus rare qu'on ne l'imagine. Nos meilleurs vœux, chères auditrices et chers auditeurs, amis du théâtre. Premier acte du Rendez-vous de Senlis, pièce rose en quatre actes de Jean Anouilh. Voici les personnages. La propriétaire, Marguerite Pierry. Georges, Michel Vitold. Le maître d'hôtel de la maison Chauvin, Paul Fèvre. Philémon et Madame de Montalembreuse, comédien. Guy Pierrot et Rosy Vart. Un salon rococo à Senlis. Et quatre pots de fleurs façon cuivre avec ciselure et ornement de style. Et quatre pots de fleurs façon cuivre avec ciselure et ornement de style. Ils sont bien là, ils auraient garde de ne pas y être. Comment ? Non, je disais qu'ils étaient ravissants. Je pense bien, c'est un cadeau de mariage. Alors ? Alors voilà pour la salle à manger. Maintenant, nous passons au grand salon. Je suis le même principe. Je commence par les murs. Mmh. Voyons. Murs tendus de soie, brochés, à ramages, fleurs et oiseaux. Je vous arrête, madame. Je ne vois pas les oiseaux. Comment ? Comment vous ne voyez pas les oiseaux ? Mais je vous assure, je n'y mets aucune mauvaise volonté. Je ne vois pas les oiseaux. Oh. Vous spécifiez sur votre inventaire murs tendus de soie brochée à ramages, fleurs et oiseaux. Mmh. Nous sommes bien dans le salon, vous ne faites pas erreur. Veuillez, monsieur, je connais ma maison. Je vois les ramages, je devine au besoin les fleurs, mais malgré tous mes efforts, je ne vois pas les oiseaux. Oh. Ben, les voyez-vous ? Je vous fais juge. Je n'ai pas mes besicles. Ah, mais vous comprenez bien que je ne tiens pas à me mettre dans mon tort et être obligé de vous payer des oiseaux le jour de mon départ. Mais j'ai toujours eu ces inventaires, ils ont été faits par une personne extrêmement compétente. Et voyez-vous-même, je ne peux pas mieux vous dire. Un ramage, fleurs et oiseaux. Et c'est peut-être le précédent locataire qui les a emportés. Oh, sur une tapisserie, monsieur. De nos jours, madame, l'ingéniosité des escrocs ne connaît plus de bornes. En tout cas, c'est un fait. Cette soie brochée ne présente plus de traces d'oiseaux. Écoutez, ce motif-là, peut-être, ne trouvez-vous pas ? Ici, la tête. La queue, Un oiseau la tête en bas. Vous avez déjà vu un oiseau la tête en bas ? Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, je ne vois qu'un moyen. Rectifier l'inventaire. Oh, ça vous fait rire, vous. On voit bien que vous êtes jeune. Si vous aviez mon âge, les soucis vous dévoreraient vivant. Oh, croyez-moi, madame, ils ont aussi le goût des viandes jeunes. Écoutez, je laisse seulement soie brochée à ramage et à fleurs. Mais bien entendu, je n'aurais pas songé à vous accuser. Je suis un homme d'affaires, madame. J'ai pour principe de faire les choses en règle. Votre inventaire est, par ailleurs, d'une telle précision. Il a été fait par une personne très compétente. Mais trop compétente, croyez-moi. Nous avons encore beaucoup de pièces à voir. Comme vous êtes impatient, monsieur. Nous n'avons encore fait que la salle à manger et l'entrée. Il nous reste les deux salons et sept chambres aux étages. Nous avons mis 35 minutes pour ces deux premières pièces. Il nous en reste 9 autres. Ça fait 3 petites heures en allant bon train. Mon inventaire a 92 pages. Oh, bravo, bravo seulement. Moi, madame, j'attends plusieurs personnes au train de 7h10 et il est moins 2. Ben, j'ai donc 11 minutes au maximum à vous consacrer. Oh. Alors, qu'allons-nous faire? 11 minutes, monsieur. C'est insensé. Ah, je vous avoue que c'est un peu ce que je pense. Tout ce que je peux vous dire, madame, c'est que ce sont des situations où l'on ne se met pas de gaieté de cœur. Enfin, monsieur, c'est ma faute. S'il vous faut cette maison en 5 minutes, voyons, vous avez loué à partir du 1er, soit. Mais vous n'emménagiez pas. Je ne pouvais tout de même pas faire cet inventaire sans vous. Vous me tombez dessus, là, un beau jour, sans crier gare, à l'heure du dîner, et il faudrait que tout soit fait en 5 minutes. Je suis encore bien bonne de vous laisser emménager à la nuit tombée. Vous savez bien que ça n'est pas dans les usages. Mais un brusque changement de mes projets. Il me faut cette maison ce soir. Mais peut-être, monsieur, mais un inventaire est un inventaire. Alors, voyons, nous allons faire vite. Là, nous ne verrons pas les chambres de domestiques aujourd'hui. Là, vous voyez, je fais mon possible pour vous être agréable. Voyons, à ramage et à fleurs, oui. Aux fenêtres, 4 grands rideaux de damas rouge et des embrasses de même métal. De même métal? Quel métal? Comment quel métal? Mais je vous prie de bien vouloir relire. Vous allez voir vous-même. 4 rideaux de damas rouge et des embrasses de même métal. De même métal. Ah oui. Oui, il doit y avoir une erreur ou une ligne de sauté. C'est une personne très compétente, n'est-ce pas? Mais très âgée. Mais trop âgée, madame, beaucoup trop âgée. Cet inventaire fourmi d'erreurs. Ouais. Des rideaux de damas rouge et des embrasses de même métal. Et vous voulez me faire signer cela? Oui. Je veux croire que vous êtes de bonne foi, mais tout de même, madame. Des embrasses de même métal sans préciser lequel. Et si le jour de mon départ, vous me les réclamez en or, ces embrasses? En or, monsieur. Des embrasses, vous voulez rire. Madame, pardon, ça serait votre droit. Je suis un homme d'affaires, moi. Je sais à quoi une signature m'engage. Je me refuse à écouter plus longtemps la lecture de cet étrange document. Vous direz de ma part à la personne âgée et compétente qui s'est chargée de sa rédaction. Elle est décédée, monsieur. Ah, bon, alors vous ne lui direz rien? Non. Alors, donnez-moi d'ailleurs votre inventaire, tenez. Je le signe. Je le signe pour vous épargner des tracas. Oui, des tracas qu'à votre âge, on s'exagère toujours. Bien à tort, croyez-moi, madame, bien à tort. Car tout s'arrange dans la vie, au moins pour un soir. Oui, vous me direz qu'un soir, ce n'est pas long. C'est parce que les hommes sont trop exigeants, madame. Avec un peu d'imagination, on peut très bien vivre toute sa vie en un soir. Mmh. Bon, lu et approuvé, voilà. Comme cela, l'existence vous paraîtra plus facile pendant les 7 minutes qui vont suivre. Car dans 7 minutes, madame, il faut que votre maison soit entièrement à moi. Depuis les oiseaux introuvables de soie brochée à ramage et à fleurs, jusqu'à ces embrasses de même métal. Oui, à vous, monsieur, à vous, comprenons-nous, n'est-ce pas? Je vous fais remarquer que cette location meublée pour un mois ne vous donne pas droit. Mais aucun droit, madame, aucun droit, je le sais, oui, je le sais. Mais écoutez-moi bien. Vous avez l'air d'une vieille dame extrêmement gentille. Mais non, monsieur, mais, je ne suis pas gentille. Si, vous êtes gentille, vous êtes gentille. Et vous avez de plus une vieille maison de province que vous n'arrivez jamais à louer, mais qui est adorable. Oh. Alors, cette maison, vous me l'avez louée à très bon prix pour un mois. Je voulais louer à l'année. Ah, mais moi aussi, madame, je voulais louer à l'année. Nous voulons tous louer à l'année. Et nous ne pouvons jamais louer que pour une semaine ou pour un jour. C'est l'image de la vie. Non, pardon. Pour un mois. Je trouve déjà assez humiliant de louer au mois. Je ne suis pas une logeuse. Oh, comme vous êtes exigeante. Je vous jure, moi, madame, que je serais le plus heureux des hommes si je pouvais l'habiter tout un mois, votre maison. Mais rien ne vous en empêche, puisque vous l'avez louée jusqu'au 1er juillet. Je l'ai louée jusqu'au 1er juillet, mais je ne l'habiterai probablement qu'un soir. Je ne comprends pas très bien. Je vous en prie, non, ne cherchez pas. Mais d'abord, pouvez-vous m'expliquer comment un jeune homme seul peut avoir besoin d'une grande maison comme cela? À plusieurs kilomètres de Paris, presque en province. Eh bien, je dois y recevoir de la famille. Et à ce propos, vous me comprendrez, j'en suis sûr, je serai gêné d'avouer à ces personnes, enfin à ces parents, que je n'ai aménagé que ce soir. Alors, ayez l'amabilité de rester enfermé dans votre chambre et de cacher cet inventaire. Oui, je vous en laisse toutefois le double. Vous le vérifierez demain à loisir. Je n'y manquerai pas. Mais sachez, monsieur, que vos recommandations étaient superflues. J'ai pour principe de ne pas gêner mes locataires. Ah, Je vous signale que le téléphone est inutilisable, il n'a pas de fil. C'est un souvenir. En outre, je vous recommande ce fauteuil. Le pied est cassé. Si vos parents sont de fortes personnes, dirigez-les plutôt sur la bergère. Attention aussi à la vitrine, qui est extrêmement fragile. Elle contient 22 petites porcelaines blanches, dont une recollée. Dont une recollée. Je la soignerai comme mon enfant. Ah, tenez, là, à droite du cadre. Vous ne trouvez pas qu'on dirait un peu un oiseau? Non. Oh, un ramage, fleurs et oiseaux. Ah, on sonne, c'est pour moi. Voulez-vous être assez aimable pour aller vous cacher? J'ouvrirai moi-même. Vous-même? Mais dites, vos parents ne trouveront pas bizarre que vous habitiez cette grande maison sans domestique? Oui, je vous remercie, j'y ai pensé. La maison Chauvin fait les choses promptement. J'ai téléphoné il y a une heure à peine. Nous avons toujours des dînertypes près d'avance. Le temps d'embarquer les plats dans la camionnette spécialement aménagée. Mes aides sont déjà en possession de la cuisine. Les champagnes sont frappés, les bordeaux maintenus à la température exacte. Dans un quart d'heure, monsieur peut être servi. Rien n'est réchauffé, tout est chaud. Il n'y a pas d'heure et de distance. Miracle de la maison Chauvin. Vous y croyez, vous? À quoi, monsieur? Au miracle. Non, monsieur. Mais la maison Chauvin est tout de même une des mieux organisées. Merci, monsieur. Il a quel âge, le vol-au-vent? Jamais réchauffé, toujours chaud? Oh, monsieur, la belle maturité. Si monsieur a ici quelques petites bêtes, elles sont généralement friandes de la croûte. Quant à la sauce, mon Dieu. Ouais, je vois que nous sommes compris. Alors, servez ce qu'il y a de moins mal, et que ça ne fasse pas trop menu de banquet. Je vais même vous demander quelque chose de plus délicat. Ne servez que ce qui n'a pas l'air de venir de la maison Chauvin. J'avoue à monsieur que je le suis mal. Je m'explique. J'ai dû improviser ce repas. Je me suis adressé à un traiteur parce que j'avais très peu de temps devant moi. Mais pour mes invités, tout a été fait ici. Cette fois, vous me suivez? Parfaitement, monsieur. Bon. Quelle mine ont vos aides? Patibulaire? Des aides, monsieur. Ne les montrez pas trop. Je dois dire à monsieur que je comptais l'éviter de moi-même en tout état de cause. L'un a des odeurs, monsieur, et l'autre est borgne. Gardez-les carrément à la cuisine. Je veux un service très simple. Pas du tout maison Chauvin. Vous voyez ça? Très bien, monsieur. Mais... Mais? Merci, monsieur. Il n'y a pas de mais. Vous avez toujours été extra? On ne n'est pas extra, monsieur. On le devient à son corps défendant. J'ai servi 17 ans chez le duc Samuel. 17 ans? Mais vous avez tout de même dû le quitter. Monsieur est bien aimable de supposer que c'est moi. C'est monsieur le duc qui a dû me quitter le premier. Ruiné? Physiquement, monsieur, par les abus. Le cœur était à bout, le rein refusait son office. Les artères, monsieur, de vrais tuyaux de pipe. C'est bien, épargnez-moi la description complète. L'essentiel pour moi est que vous ayez servi en maison bourgeoise. Comment vous appelez-vous? Gradusac. Non, je voulais dire votre prénom. Émile. Mais l'usage pour un extra... Émile, ce que j'ai à vous demander est précisément inusité. Vous avez de l'imagination, mon cher. Alors, essayez de vous figurer que vous m'avez fait sauter sur vos genoux. Moi, monsieur? Vous, Émile? Je ne sais pas si monsieur se rend compte que je suis un homme d'âge et que rien dans mon physique ne peut prêter à des suppositions. Non, nous ne comprenons pas. Ce que je vous demande est très simple et, croyez-moi, bien acceptable. Enfin, il doit être courant qu'on vous prie de ne pas dire que vous êtes un extra, mais bien le maître d'hôtel de la maison. 9 fois sur 10, monsieur. La vanité mène le monde. Eh bien, je vais d'abord vous demander ça. Je vais même vous demander un peu plus que ce qu'on demande à l'ordinaire. Émile, vieux serviteur de la maison, je vais vous demander de m'avoir vu naître. Cela vous ennuierait beaucoup de m'avoir vu naître? Cela serait un honneur pour moi, monsieur. Un honneur et un plaisir, j'adore les bambins. Pour le plaisir, il est trop tard, je le regrette. Mais acceptez au moins l'honneur. Avec plaisir. À partir de cet instant, je me considère comme ayant vu naître monsieur. Donc, vous m'avez vu naître et vous m'avez fait sauter sur vos genoux quand je n'étais pas plus haut que ça. Ah, pas plus haut que cela. Mais avec la taille, tout change. Je demande pardon à monsieur de ce que j'ai pu penser, mais je ne suis pas sans avoir été abordé comme les autres par de louches personnes qui... Combien vous ai-je donné tout à l'heure? Je l'ai oublié, monsieur. Chez moi, c'est un principe. Bon, si je vous donnais le double pour jouer le rôle du vieux serviteur de la famille pendant le dîner de ce soir, cela irait? Monsieur, peut-il ajouter 100 francs? Soit. Dans ce cas, je suis au service de monsieur depuis de longues années. Si monsieur le veut bien, mon père était déjà le maître d'hôtel de la famille. Moi, j'ai servi tout jeune aux cuisines, puis je suis parti bourlinguer par le monde afin d'apprendre le métier. Et quand l'heure a sonné pour papa de songer à la retraite, Je suis venu prendre sa place ici. Mais bravo, mais tout de même ne brodez pas trop. Je vais vous présenter à mes parents dans un instant. Mais monsieur le père de monsieur et madame la mère de monsieur ne seront-ils pas étonnés? Non, pas le moins du monde, rassurez-vous. Émile, vous pouvez aller ouvrir. Bien, monsieur le baron. Comment? Monsieur ne préfère pas que je lui donne un titre tant que nous y sommes? Entendez-moi bien, mon vieux. Il ne s'agit pas du tout de faire grande maison. Vieux serviteur simple et honnête qui fait presque partie de la famille. Voilà votre ligne. Ça, je ne vous cache pas que si je n'avais pas été à court de temps, j'aurais même préféré une vieille servante bretonne. Oh, monsieur, c'est un personnage tellement surfait. Un homme de goût comme monsieur... Mais en tout cas, la plus grande simplicité et pas de titre. Hein, mon vieux? Comme monsieur voudra. Un détail, cependant. Sommes-nous ici dans la maison de monsieur ou dans celle des parents de monsieur? Dans la maison de mes parents. Dans ce cas, monsieur voudra-t-il avoir l'amabilité de me rappeler son prénom? La tradition veut en effet que j'appelle le père de monsieur... Monsieur tout court, et monsieur Jean, ou monsieur Lucien, ou monsieur... Georges. Monsieur Georges. Bien, je me mets le nom dans la bouche. Monsieur Georges. Ça va, je vais ouvrir. Où dois-je introduire monsieur Georges? Ici même, Émile. Madame de Montalembreuse et monsieur Philémon. Je vous remercie, vous êtes exact. Oui. Vous êtes nés ensemble? Nous nous sommes rencontrés à la gare. Vous dire notre surprise. Deux vieux amis qui s'étaient perdus depuis 10 ans. Je marchais, tout à coup... Dieu, Émilienne, ma bonne amie! Mon bon ami Ferdinand, se retrouver après 10 ans de tournée! Ah, ma bonne amie, il t'en souvient de nos triomphes en Égypte? Oh. Et patati, et patata, mais où vas-tu? Et toi? 32 rue du Guesclin, mais moi aussi, tu es donc engagé chez le jeune homme! Toi aussi? Non! Oh, c'est trop drôle! Allons ensemble! Et nous voilà partis bras dessous, comme autrefois! Bravo! Attendez! Arrivé à la place Clémenceau, Émilienne s'arrête net. Mais qu'est-ce que tu as, ma bonne amie? As-tu oublié quelque chose? Elle me pince le bras. Ferdinand, nous avons joué dans cette ville. Quelque chose me le disait. Alors moi, sceptique, mais de place Clémenceau, il y en a partout, ma bonne amie. Mais je te dis que quelque chose me le dit. Et soudain, elle s'écrie, regarde la statue. Oh, cette statue. Je regarde la statue, je m'arrête cloué sur place. Et vous aviez vraiment joué ici autrefois? Non, c'était une erreur. Bon, excusez-moi de ne pas vous demander la suite de cette histoire, mais j'ai dû improviser beaucoup de choses ce soir. Nous avons très peu de temps devant nous. Et Guillotard, en effet, nous avait parlé de se cacher pour mardi ou mercredi. Ah, mes projets ont été changés à la dernière minute. Ah. J'aurais besoin de votre concours dès ce soir. Mmh. Si vous voulez bien vous asseoir, merci. Je vais vous expliquer ce que j'attends de vous. Ah, oui, au fait, je ne vous cache pas que je suis très intriguée. De quoi s'agit-il au juste? Oui, de quoi s'agit-il? Nous sommes venus de confiance parce que nous avons été mis en rapport avec vous par notre excellent ami commun, Guillotard. Mais si nous nous flattons de savoir jouer la comédie et de la jouer depuis longtemps, nous ne savons cependant pas tout faire. Guillotard nous a laissé entendre qu'il s'agissait de quelque chose d'un peu spécial. C'est un peu spécial, oui. Eh bien, nous vous écoutons, mon cher monsieur. Nous sommes toutes, oui. Ouais. Mais... Oh, tu te rappelles comme il disait ça les jours de lecture, le vieux Gadeau? L'ancien régisseur de l'ambigu. Oh mon Dieu, qu'il était drôle. Mais en fait, qu'est-il devenu le vieux Gadeau? Comment? Tu n'as pas appris qu'il était mort? Non. Gadeau? Mais oui, nous sommes tout oui, tout oui. Il est mort. Nous sommes tout oui. Nous sommes tout oui, tout oui. Oh mon Dieu, qu'il était drôle. Pauvre Gadeau. Pauvre Gadeau. Voilà. Il ne s'agit pas à proprement parler de jouer la comédie, pas la comédie sur un théâtre. Attention, je vous arrête. Il ne s'agit pas de cinéma, au moins. Mais non, pas du tout. Je viens de tourner quelques jours avec Bourbansky. On ne m'y reprendra plus, ma bonne amie. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez peut-être outre-Atlantique des garçons qui sont nés là-dedans et qui font montre d'un certain talent. Mais moi, je suis une bête de théâtre. Le contact humain. Qu'est-ce que tu veux? C'est plus fort que moi, je ne puis rien sans le contact. Tu veux que je te dise? Je suis comme toi. Il faut que je les sente là, qui vibrent avec moi. Leurs larmes, leurs rires, projet à fuser au moindre signe. Oh, ça me fait penser à un cheval sauvage qui se cabre et qu'il faut dompter. Ah, dis donc, au fait, mon bon ami, tu es remonté depuis Biarritz? Remonté, mais ma chère, avec leur cinéma, où veux-tu prendre une minute? Mais, monsieur, encore une fois, pardon, venons au fait. Comme le disait ce camarade dont nous évoquions le souvenir tout à l'heure, nous sommes tout oui. Pauvre Gado. Pauvre Gado. Je m'excuse de devoir vous demander maintenant toute votre attention, mais dans une demi-heure, mes invités sont là et chacun doit savoir auparavant quel est son rôle. Pardon, cher monsieur, pardon. Vous n'avez tout de même pas l'intention de nous demander de jouer dans une demi-heure un rôle que nous n'avons pas encore lu? Si. Mais le texte, monsieur, le texte. Permettez-moi de vous dire que vous parlez un peu légèrement d'un métier que vous ne connaissez pas. Rassurez-vous, vous n'aurez aucun texte à apprendre. Vous n'allez pas nous faire improviser tout de même? Ne vous effrayez pas avant de savoir ce que j'attends de vous, je vous en prie. En vérité, je ne vous cache pas que je me suis adressé à des comédiens pour avoir toutes les garanties possibles, et puis aussi parce que je ne savais pas trop à qui demander ce genre de service. Mais ce que vous allez avoir à faire est si facile que n'importe qui aurait pu s'en tirer. Des amateurs! Eh bien, cher monsieur, je vous en souhaite! Voilà, il s'agit tout simplement de dîner ce soir à ma table et de soutenir avec mes invités une conversation aussi brillante que possible. J'y suis! C'est une idée qui fera son chemin, je vous le prédis. D'ailleurs, il y a déjà longtemps que je l'avais eue. Original, ma bonne amie, extrêmement original! En somme, si je vous comprends bien, cher monsieur, vous organisez un dîner. Et comme vous avez peur qu'il ne manque d'entrain, vous avez l'intention de mêler aux gens du monde qui sont vos invités quelques êtres que leur profession, leurs dons exceptionnels, ont rendu naturellement plus brillants, plus... Non, ce n'est pas exactement cela. Je ne doute pas, croyez-le bien, du charme de votre conversation ni de votre esprit d'à-propos. Mais je veux surtout faire appel ce soir à cette facilité professionnelle avec laquelle vous vous emparez d'un trait de caractère ou d'une émotion pour les faire vôtres. Sans souffrir. Mais que voulez-vous, cher monsieur? Si nous n'avions pas ce petit talent-là, on nous emploierait à clouer des chaussures, comme les autres. Nous n'y pouvons rien, pauvres que nous sommes, c'est le don. On l'a pas. Je ne doute pas que vous ne l'ayez, c'est pourquoi je vous ai demandé de m'aider. Voilà. J'ai dit mes invités tout à l'heure, c'est mon invité que j'aurais dû dire. Oui, j'attends une jeune fille qui va arriver d'un moment à l'autre. Cette jeune fille... Vous voyez que je me confie entièrement à vous. Cette jeune fille est ma maîtresse. Pour des raisons qui seraient trop longues de vous expliquer en détail, j'étais amené à lui mentir. Oh, rien de grave, vous allez voir. Mon mensonge se résume à peu près à ceci. Mes parents sont morts et je lui ai dit qu'ils étaient encore vivants, qu'ils habitaient les environs de Paris. Mais pourquoi? Oh, pour une raison bien simple. Pour expliquer certaines absences auxquelles une ancienne liaison que je ne pouvais lui avouer m'obligeait plusieurs fois par semaine. Ce n'est pas tout. Je n'ai pas d'amis. Vous savez, comme un homme amoureux peut être fait. Et une femme, donc. Comme cette jeune fille qui est un petit être pur, qui croit à l'amitié, s'étonnait un jour qu'un garçon de mon âge n'ait pas d'amis, je m'en suis créé un de toutes pièces pour ne pas la décevoir. Et naturellement, tant que j'y étais, j'ai bien fait les choses. Je me suis créé le meilleur ami du monde, loyal, sincère, dévoué. Puisque c'était pour lui faire plaisir, n'est-ce pas? Il n'y avait pas à lésiner. Ah, l'amour, l'amour! Je vous promets que j'en ai fait bien d'autres. Figurez-vous qu'une fois, à Perpignan, j'ai fait croire à une petite blanchisseuse que j'étais champion de football. Mais en créant ainsi ces êtres imaginaires, je ne me doutais pas de l'imprudence que je commettais. Cette jeune fille, mon amie, a pris peu à peu l'habitude de me demander de leurs nouvelles. Puis, ce que j'ai pu inventer sur leur compte l'ayant intéressée, elle s'est étonnée que je ne lui montre pas des êtres qui me touchaient d'aussi près. J'ai pu longtemps prétexter des maladies, des absences, mais elle part demain pour la province qu'elle habite la plus grande partie de l'année. Je n'ai pas pu reculer davantage. Elle vient ici ce soir pour dîner avec mes parents et ce mystérieux ami dont je lui ai tant parlé. Je commence à y voir clair. Vous allez nous demander d'être ses parents, cet ami. Et de dire ce soir, au cours de ce dîner, ce qu'ils auraient pu dire s'ils avaient existé. Bravo! Bravi! Moi, je trouve ça follement amusant. Follement! Mais dites-moi, qui fera l'ami? Je n'ai pas voulu demander un comédien pour l'ami. Des parents, mon Dieu, ce sont des rôles faciles. Aux maîtresses de leur garçon, ils parlent toujours de ses maux de rôle à 18 mois et de sa terrible crise de croissance. Elles n'en tirent généralement pas beaucoup plus. Mais un ami... Ah, une femme peut lui demander tant de choses. Alors, voilà ce que j'ai décidé. Cet ami, nous mettrons son couvert à table, nous l'attendrons pour dîner aussi longtemps qu'il sera convenable de l'attendre, mais sa place restera vide. Il ne viendra pas. Et de cette façon, il aura toutes les chances de demeurer un ami parfait. Je regrette que vous vous soyez arrêté à cette solution. Je connais un garçon de grand talent qui aurait parfaitement fait l'affaire. Je ne le pense pas. Cher monsieur, laissez-moi vous dire que je suis follement heureuse de jouer le rôle d'une maman. Ce sont toujours les plus beaux rôles, n'est-ce pas? Surtout quand on est encore une jeune femme. Il y a une certaine coquetterie. Oui, mais ne vous imaginez rien tant que nous n'aurons pas établi vos rôles ensemble. Car vous vous en doutez bien, je lui ai parlé en détail de chacun de vous. Et c'est là que votre grand talent pourra donner toute sa mesure. Faire revivre en chair et en os les personnages mêmes que mes mensonges ont pu lui faire imaginer. Oh, attendez, mon cher. J'ai justement l'idée d'une silhouette de père extraordinaire. Une minute, j'ai là tout ce qu'il me faut. Oh, me voilà avec un grand garçon maintenant. Un grand garçon que j'adore, n'est-ce pas? Vous ne m'avez pas fait un rôle de mauvaise mère, au moins. Je serais incapable de le jouer. Une excellente mère et qui adore son fils. Ah, Guillotin m'avait dit de mettre une robe noire. Celle-ci a un soupçon de couleur, mais ce n'est pas une dame en deuil. Non. Alors croyez-moi, ce qu'il faut dans un personnage de jeune maman, c'est sentir que, malgré tout, elle est restée très femme. Non, c'est tout le contraire. Il ne faudra pas sentir ça du tout. Ah, comme vous voudrez. Mais pourtant, avec mon physique... Vous comprenez bien que je ne peux pas jouer une vieille peau. Attendez, je vous en prie. Nous allons parler de votre personnage en détail. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi, pardi. Oh, c'est extrêmement drôle. Il a été pris lui-même au piège. Mais c'est ride, cette fausse barbe. N'allez pas dîner comme ça, j'espère. Oh, non, rassurez-vous, non. Non, je leur ferai mieux. Ce n'était que pour vous donner une idée de l'ensemble. Mais c'est impossible, voyons, nous ne sommes pas compris. Oh, mais sacrebleu, monsieur, vous m'avez dit un personnage de père. Je vous compose un personnage de père. Vous n'avez pas la prétention de m'apprendre mon métier, tout de même. Enfin, c'est inouï, tel que vous étiez tout à l'heure. Entendons-nous. Vous voulez un personnage de grand premier rôle ou un personnage de père? Si vous m'avez demandé, comme j'ai cru l'entendre, un personnage de père, en voilà un. Enfin, monsieur, quel âge avez-vous? 52 ans, monsieur, dont 34 de métier. Et ce n'est pas un galopin comme vous... Écoutez, vous avez 52 ans, j'en ai 28. Il me semble de toute bonne foi que ce n'est pas violenter la nature de vouloir vous faire passer pour mon père sans postiche. Bon, après tout, je suis bien bon de me donner tant de mal. Si vous voulez faire jouer un rôle de père par une silhouette de grand premier rôle, faites-le. En somme, le succès de l'entreprise ne regarde que vous. Sachez cependant que si je cède, c'est parce qu'il ne s'agit que d'une fantaisie de jeune homme. J'ai le respect de mon métier, moi, monsieur. S'il y avait une œuvre d'art à défendre, je vous promets bien que cela aurait été une autre paire de manches, monsieur. Il faut pourtant que vous compreniez que je ne vous ai pas fait venir ici pour imaginer à votre gré des pères ou des mères de théâtre. Ces personnages existent, ces personnages sont déjà moitié vivants, quelqu'un croit en eux. Quelqu'un attend de certaines paroles, certains gestes, une certaine atmosphère autour de moi. Si vous avez cette conscience professionnelle qui honore la plupart des gens de votre métier, il faut vous soumettre à moi, comme au plus exigeant metteur en scène. Et m'aider de toutes vos forces à faire naître le père, la mère, l'ami que cette jeune fille se prépare à trouver ici tout à l'heure. Oui, ma conduite doit vous paraître extravagante, je le sais. Vous qui êtes habitué à un théâtre où l'on ne mélange pas les genres, vous devez regarder avec étonnement ce jeune homme qui vous entraîne vers un vaudeville avec des traits tirés. Des mains qui tremblent. D'autres ont la tragédie tout naturellement à leur disposition. Au moindre départ, à la plus petite peine, ils peuvent agiter leur mouchoir ou y aller de leurs larmes, entourés de l'émotion unanime. Il se trouve que moi, j'ai à jouer ma vie sur un vaudeville. Voilà. Alors soyez chic. Aidez-moi à faire vivre pour un soir ces personnages imaginaires dans cette maison d'emprunt. Je les attends, croyez-moi, comme père, mère et amis véritables n'ont jamais été attendus au retour du plus long voyage. Vous savez bien, cher monsieur, qu'une femme est toujours prête à seconder l'amour. Et nous sommes à votre disposition, cher monsieur. Et pour ma vivacité de tout à l'heure... Je vous remercie. Mais je vous en supplie, ne parlez déjà plus en votre nom propre. Cessez de m'appeler cher monsieur. Il faut que nous commencions tout de suite. Nous avons si peu de temps pour apprendre à nous adresser la parole avec la pudeur exacte d'une vieille tendresse, pour apprendre à tisser entre nous ce bon silence des êtres qui n'ont plus à se parler pour se comprendre. Oh, vous savez, cher monsieur, le silence au théâtre, c'est encore ce qu'on réussit le plus facilement. Non, ce qu'il faudrait nous dire, c'est plutôt le reste. Je vais vous dire. D'abord toi, papa. Pourquoi t'es-tu figuré que tu portais cette barbe de vieux pion? Tu es un vieux monsieur charmant, très jeune encore, d'une jeunesse contre laquelle le temps ne peut rien. Tu es le papa idéal, celui qui, avec la barbe, a renoncé aussi au genre biblique, celui qui a su à temps se transformer en un grand frère. Un grand frère qui ne jouerait même pas les frères aînés, mais les camarades. Tu es mon camarade, papa. D'ailleurs, tu t'habilles comme moi, et même, c'est si naturel à ton âge, en plus jeune. Oui, mais tout de même, un père, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, papa, les jours où précisément un grand frère ordinaire aurait le droit de penser d'abord à lui, les jours où il faut se dévouer, pardonner, donner de l'argent aussi. Alors, ces jours-là, tu redeviens un vrai papa, fort et rassurant, avec lequel on peut se permettre d'être une minute encore un petit garçon. Oui. Oui, mon petit. Car c'est vrai, tu m'appelles mon petit. C'est un peu ridicule, mais tu vois, je ne te l'avais jamais dit. Ça me fait plaisir. Oh, c'est vrai? Oui, papa. Est-ce que ce geste n'est pas trop tendre pour un ancien magistrat? Mais c'est que vous n'êtes pas du tout un ancien magistrat. Où avez-vous été chercher ça? Une idée, comme ça. J'aurais aimé incarner un ancien magistrat. Non, tu n'es pas un ancien magistrat, papa. Il t'a toujours fallu des semaines d'enquête et de scrupules pour oser envoyer une bonne qui volait. Et encore, avec quel prestigieux certificat. Ah. Je ne te vois pas condamnant chaque après-midi tes 2 douzaines de pauvres bougres. Oh, mais qu'est-ce que je suis alors, fiston? Riche négociant, puissant industriel? Oh non, papa. À essayer de gagner tous les jours beaucoup d'argent, prend de si vilaines habitudes. Si tu veux... Tu seras fonctionnaire. Oui, ah. Oui, c'est un état dans lequel je te vois assez bien. Mais pas un scribouillard de rien du tout. Hein. Un poste de sous-directeur, tout de même. Directeur, papa! Merci, fiston! Et moi, on ne parle jamais de moi. Le rôle de la mère, c'est le plus difficile. Quelle gamme de l'ennemi à perruque grise qui défend chèrement son héritage. À la mère inquiétante qui frémit et perd le fil de la conversation comme une amoureuse. Quand son fils entre ou sort du salon. Un bon rôle de mère doit contenir toutes les mères, c'est bien simple. Non, je voudrais que celui-ci soit tout simple, évident. La mère telle qu'on la décrit dans les livres d'enfants, telle que les petits garçons la rêvent dans les cuisines, à côté des bonnes, en attendant que leur vraie maman rentre, trop parfumée de ses éternelles courses de l'après-midi. Une mère qui n'aurait pas de courses à faire dans les magasins, pas d'amis à voir. Une mère admirable, en somme. Toutes les mères sont admirables, cher monsieur. L'instinct parle. Il suffit d'une si légère négligence, un sourire à un homme étranger qu'on laisse surprendre, un seul mot trop dur, un jour d'exaspération, quand on n'a plus devant soi qu'un petit ennemi désarmé, mais irréductible, un seul baiser oublié. Et un enfant, c'est là, vous épiez, à tout exiger de vous chaque jour, aussi tyranniquement, aussi minutieusement qu'un sergent de semaine. Oh, je sais bien que ce n'est pas un rôle facile, celui de la mère. C'est un rôle où l'on ne peut pas se faire doubler et qu'il ne faudrait pas accepter à la légère. Oh, voilà certes. Tout. Mais vous pensez bien qu'avec mon emploi, c'est un rôle qui m'est familier. Oh, si vous m'aviez vu dans Bretagne d'abord. Oh, mon ami, que tu étais belle. Je méfie des mères de théâtre, elles se dévouent trop facilement à tout propos. Oh, mais j'ai joué aussi des mauvaises mères. Tenez, dans La Grande Coupable, cher monsieur, j'abandonnais mon bébé sur les marches d'une église. Mais précisément, je méfie aussi des mauvaises mères de théâtre. Elles en font beaucoup trop. Avec elles, un vrai enfant n'aurait même pas le loisir d'être malheureux. Il serait mort ou idiot tout de suite. A-t-on eu lieu d'abord d'abandonner son bébé sur les marches d'une église quand il y a tant de façons si simples d'abandonner un enfant, même en le gardant commodément chez soi, jusqu'à sa majorité? Oh, écoutez, vous commencez à me faire peur. Si vous croyez que je ne peux pas jouer le rôle... Inutile de vous dire, jeune homme, que dans ce cas, je me solidarise avec ma camarade. Mais qu'allez-vous chercher? Mais je suis persuadé que vous le jouerez très bien, ce rôle, au contraire. Tenez, d'ailleurs, pour nous tranquilliser tous les deux, pour nous donner le ton, nous allons faire, si vous le voulez bien, une petite expérience. Nous allons jouer une scène classique. Voilà. J'ai 20 ans, je suis un garçon faible, facile à convaincre, pas très courageux devant la vie. Mettons, pour poser la situation... que vous venez de combiner pour moi un très riche mariage. Un très riche mariage que vous n'auriez pas dû combiner, vous, ma mère. Je suis entré dans votre chambre, j'ai parlé de choses et d'autres, et brusquement, je m'approche de vous, gêné. Maman, allez. Essayons, jouons la scène. Alors, une minute. Comment? Toi, Émilie de Montalembreuse, une des anciennes de l'Union, tu vas accepter une audition pour une affaire d'un cachet? Oh, mais ce n'est pas pareil, tu comprends. Je veux rassurer monsieur. Bon, à ton aise, mon ami, à ton aise. Mais permets-moi de te dire que je ne te reconnais plus. Allons-y. Maman. Je vous réponds? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Maman. Je ne me marierai pas avec la fiancée que tu m'as trouvée, si riche qu'elle soit. Ça m'est égal d'être riche, maman. J'aime une jeune fille qui est pauvre, qui travaille, avec qui je ne pourrais même pas me marier. Je voudrais partir, vivre avec elle. Aide-moi. J'avais cru bien faire, mon petit. Mais si ton bonheur est autre part, il ne faut pas hésiter. Pars. Et sois heureux. À ton âge, c'est l'amour qui n'a pas de prix. Ça va? Pardon? Oh, mais ça va très bien. C'est même exactement ce qu'aurait répondu la mère que j'imaginais. Mes compliments. C'est une phrase d'un de vos rôles? Non, je l'ai inventée. Avec quel à propos? Vous avez un fils, peut-être, qui vous a déjà posé la question. Eh bien, oui, je l'avoue. C'est exact. On ne le croirait pas, hein, avec l'âge que je porte. J'ai un grand-fils et il est venu me demander presque la même chose l'année dernière. Alors forcément, j'étais préparée. Et c'est ainsi que vous lui avez répondu? Ah, vous pensez? C'était avec une petite violoniste, une petite putain de rien du tout. Je lui ai flanqué une paire de gifles, oui. Je vous en supplie, je vous en supplie. Non. Oubliez vite, monsieur, votre fils et reprenez votre air de tout à l'heure. Voilà. Merci. Ayant oublié votre propre enfant, vous êtes redevenue une mère admirable. Cette jeune fille peut arriver d'un moment à l'autre. Alors, habituez-vous à ce salon. Vous habitez ici depuis 30 ans. Alors, cherchez-y vos coins familiers. Oui. Maman, tu as peut-être un petit ouvrage de crochet? J'en ai toujours un dans mon sac. On attend si longtemps dans les agences. Papa, tire ton journal de ta poche. Vous avez un journal sur vous? Oui, j'ai la vie parisienne et le journal des débats. Ma foi, je les ai trouvés ensemble en venant sur une banquette de mon compartiment. Gardez-les tous les deux. Ce sont deux excellents attributs d'une vie bourgeoise bien ordonnée. Seulement, mettez la vie parisienne dans la poche intérieure de votre veston et lisez ostensiblement le journal des débats. Bien. Voilà. Vous ne vous détestez pas. Vous êtes même un vieux couple très uni. Ah. Vous pouvez approcher vos fauteuils. Ah. Ouais. Parfait. Oh, diable, j'oubliais. Qu'est-ce que c'est? Non, rien, un détail, une nuance, mais une composition doit être minutieuse. Je me mets les légions d'honneur. Quel étrange plaisir de réaliser ces mensonges. 8 heures! Elle va arriver. Ah, j'oubliais. Est-ce que vous savez jouer du piano, madame? J'avais demandé à monsieur Guillotard quelqu'un qui sache jouer du piano. Je suis second prix du conservatoire d'Arcachon. Parfait. Vous déchiffrerez donc facilement ce morceau. C'est un air que j'ai entendu un soir il y a longtemps. J'avais 10 ans peut-être. Je traînais dans les rues tout seul. Les notes s'échappaient par une fenêtre éclairée. Je suis monté sur une borne et j'ai regardé. Dans un salon vieillot comme celui-ci, il y avait une petite fille à nattes qui jouait du piano. Et toute la famille qui écoutait autour d'elle. C'est une valse d'Olivier Métra. Quand j'ai connu cette jeune fille, j'ai été chanter cet air à tous les marchands de musique jusqu'à ce que l'un d'eux l'identifie. Je l'ai chanté pendant 2 mois. Je chante faux, il m'a fallu beaucoup de patience, et aux marchands de musique aussi, bien sûr. Ah ! J'oubliais encore ! Hein ? C'est un original. Nous avons été des imbéciles, nous aurions dû demander 100 francs de plus. C'est un portrait de ma mère qui a été tiré par le photographe à la fête du pays, à peu près à l'époque où... Enfin, à l'époque où je l'ai perdu. Je vais le mettre ici. Ce vieillard barbu qui a l'air d'un galant homme se fera un plaisir de lui céder la place. Et comme ça, il y aura au moins quelque chose de vrai dans cette maison. Je demande pardon à monsieur. Je sais bien que le menu est commandé pour 4, mais quelquefois, comme on sait que la maison fait les choses largement. Bref, combien faut-il mettre de couverts ? Mettez 5 couverts. Bien, monsieur. C'est bien ce que je pensais. Tous les mêmes. Mais rassurez-vous, nous ne serons tout de même que 4 à manger le menu de la maison Chauvin. Le 5e convive ne mangera pas. Ah, oh, dans ce cas, je demande bien pardon, hein, monsieur. C'est le couvert du pauvre, sans doute. Pardon ? Oui, chez monsieur le duc, où l'on respectait toutes les traditions, on mettait les jours de grande fête un couvert supplémentaire au bout de la table, pour le pauvre. Et le pauvre venait quelquefois ? Non, monsieur, jamais. Son assiette était mise, mais comme personne ne prenait la peine de le mettre au courant, le pauvre. Deux coups, c'est elle. Je lui ai dit de sonner 2 coups. En place, vite. Vous, madame, au piano et commencez à jouer. Toi, papa, derrière, tu écoutes. Oh. Moi, je lis. Alors, improvisez avec beaucoup de prudence, n'est-ce pas? Et ne cessez pas de me regarder. Je vous couperai dès que ça deviendra dangereux. D'ailleurs, vous en savez assez long pour tenir parfaitement votre rôle. Mais et vous? Comment? Elle va sûrement nous parler de vous. Vous ne nous avez rien dit de vous, votre caractère, vos antécédents. Oh, bon Dieu, c'est vrai. Émile! Monsieur, j'allais ouvrir. C'est la jeune fille que j'attends. Alors, traînez pour aller ouvrir, traînez pour la faire monter, traînez tant que vous pourrez. Écoutez-moi bien tous les deux. Oui. Je n'ai d'ailleurs le temps de rien vous dire. Monsieur! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié le prénom de monsieur. Georges! Monsieur Georges, oui, ça y est, cette fois c'est gravé. Je m'appelle Georges, mon ami s'appelle Robert. Oui. J'ai 28 ans. Oui. Je suis timide, commencez à jouer. Bien. Je n'ai aucune imagination. Bon, on ne le dirait pas. Je suis un brave jeune homme, un peu provincial, un peu bête, courageux. Bon. J'étais un petit garçon turbulent et brutal, mais quand on parlait doucement, je rougissais et je fondais en larmes. Parfait. Je crois à l'amour, à l'amitié. Je me ferais tuer pour mon ami Robert. Il se ferait tuer pour moi. Bravo. Il vient souvent de m'ouvrir la porte. J'ai fait mon service militaire dans l'infanterie, 2e classe à Tarbes. Vous m'envoyez des paquets de pain d'épices et de chocolat toutes les semaines. Pain d'épices et chocolat. J'ai fait des études d'ingénieur. J'ai eu la varicelle étant petit. Oh, tous les enfants l'ont. Il monte l'escalier, je n'ai plus le temps de rien vous dire. Je suis fidèle. Et j'adore grimper aux arbres. Monsieur. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, c'est un bossu. Un bossu? Oui, monsieur. Il dit qu'il vient de la part de mademoiselle Barbara. Fichez-le dehors immédiatement. Oh, monsieur, un infirme. D'ailleurs, il est déjà parti. C'est un voisin qui a le téléphone. Il était simplement porteur d'une commission pour monsieur. Mademoiselle Barbara, qui a appelé chez lui au 34 de la même rue, ne nous trouvant pas dans l'annuaire. Mademoiselle Barbara fait dire à monsieur qu'il faut que monsieur appelle au plus vite Wagram 1619. Il paraît qu'il y a eu du grabuge, rapport à ce que devine monsieur, et que si monsieur ne donnait pas signe de vie au plus tôt, il se pourrait qu'il y ait... Je répète à monsieur les propres termes de mademoiselle Barbara. Du pétard. Du pétard. Cette jeune fille va arriver pendant mon absence. Recevez-la. Oui. Si je n'étais pas rentré dans une demi-heure, c'est que j'aurais été obligé d'aller à Paris. Commencez à dîner avec elle sans vous occuper de moi. Oh. Du pétard. Du pétard. Je finis par me demander, ma bonne amie, si nous n'aurions pas dû nous faire payer d'avance. Oh. Et drôle d'histoire, tout de même, n'est-ce pas? Oh, dans notre métier, on en voit de toutes les couleurs. Mais pourquoi lui monte-t-il cette comédie à cette petite? Hein? Pour la séduire, pour la voler? Qui sait même? Pour... Oh, je t'en prie. Ah, ne dis pas de bêtises, n'est-ce pas? Oh, de nos jours, ma chère amie, il faut s'attendre à tout. quand il a annoncé ce coup de téléphone tout à l'heure, le maître d'hôtel m'a fait un clin d'œil. Un clin d'œil? Oui, un clin d'œil. Et Guillotard avait l'air de bien le connaître, ce garçon, quand il t'en a parlé à toi. J'ai cru comprendre que c'était la première fois qu'il le voyait. Il fait tout à fait nuit maintenant. S'il fallait aller chercher du secours, ce serait gai dans ce dédale de ruelle. Téléphonons. Mais à qui? Mais je ne sais pas. Téléphonons à quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il y a, nom de Dieu? Le téléphone ne fonctionne pas. Attends. Allô? Allô? Allô? Ce n'est rien d'extraordinaire. La ligne est peut-être en réparation. Puis-je vous permettre de servir le porto à monsieur et à madame en attendant? Vous pouvez vous permettre, oui. Il ferme les doubles rideaux. Oh, ne bois pas ce porto à tout hasard. Cet homme a une tête qui ne me revient pas. Qu'est-ce que tu disais? Hein? Rien. Rien maintenant, ma pauvre amie. Monsieur. Mais qu'est-ce que vous voulez? Chut. Et comment? Chut. Pourquoi? Chut. Je demande pardon à monsieur, mais monsieur connaît-il bien la maison? Non. Mais... Mais vous, pourtant... Je suis un extra de la maison Chauvin. On m'a envoyé ici sur un coup de téléphone donné à 6 heures par ce jeune homme. Je ne connais que cette pièce, la salle à manger où j'ai dressé le couvert, et les cuisines. C'est pourquoi je demandais à monsieur. La maison semble déserte. Ce jeune homme l'affirmait, en tout cas. Et pourtant, j'ai entendu trottiner là-haut. Trottiner? Trottiner. Comme une grosse souris. Comme une grosse souris? Pardon. Je n'entendais plus de bruit. Je m'inquiétais. Pardon, pardon, je m'excuse. Vous l'aviez vu en arrivant, cette vieille? Et non, et vous? Non. Oh! On sonne. On ressonne. N'ouvrons pas. Mais nous ne pouvons pourtant pas passer la nuit enfermés ici. Tâchez de voir par la fenêtre qui cela peut être, sans vous montrer. C'est une jeune fille avec une robe à fleurs et un chapeau de paille blanche. Faites-la monter! Voici les personnages du deuxième acte du Rendez-vous de Senlis. Robert, l'ami de Georges, José et Arthur. Barbara, la femme de Robert et maîtresse de Georges. Nadine Allary, Madame et Monsieur de la Chaume, les parents de Georges, Denise Gray et Jackie Ling. Edmé, la femme de chambre, Hélène Garot. Au domicile de Georges, à Paris. Oui, oui, Georges, une scène terrible. Cette fois, elle va sûrement demander le divorce. Alors... Si c'est pas très sérieux ce que tu fais ce soir, il vaudrait peut-être mieux que tu rentres. Oui, bien sûr, ça ne me regarde pas. Non, non, je téléphone de la lingerie, personne n'y vient jamais. Mais non, je ne dirai rien. Tu es idiot, mon chéri. Bon, fais comme tu veux. Bonsoir, Georges. Amuse-toi bien. Qu'est-ce que tu fais ici depuis une heure? Je croyais que tu étais sorti. Rien? Je le connais, le coup de téléphone de la lingerie. J'en ai usé avant toi, ma petite Barbara. C'est vrai, Robert? À qui téléphonais-tu? À qui voulais-tu donc je téléphone? Personne n'a de ces nouvelles? Personne. Même pas toi? Même pas moi. Ce n'est pas rentré avant minuit, c'est la catastrophe. Une honorable famille sur le pavé, sans compter les amis intimes. Je ne sais pas du tout ce que tu veux ainsi, mais ma petite. Nous sommes invités ici dans une maison charmante, les autres sont nos amis... Une brouille entre eux me serait pénible, voilà tout, en qualité d'ami et d'invité. D'invité? Non, mais tu te prends vraiment pour un invité. Un invité qui serait là depuis 2 ans. Nous sommes venus chez Georges quand nous avons déménagé de la rue de Vaugirard et pour 15 jours seulement, je te le fais remarquer. Oui, mais il y a 22 mois. Nous n'avons pas trouvé d'appartement. Puis enfin, Georges est mon ami intime ou non? Si on ne peut plus loger chez son ami intime, où ira-t-on loger alors? Chez des étrangers? D'habitude, on en est réduit là. Et ben moi, ça me révolte, ma petite. J'ai toujours cru en l'amitié, moi. Oui, Robert. C'est vrai ce qu'il a fait. Je l'aurais fait, moi aussi. si j'avais fait un riche mariage comme lui au lieu d'être assez bête pour t'épouser. Moi aussi, je l'aurais dit tu es dans la gêne, viens à mon foyer, sois mon secrétaire, je te donne 3000 francs par mois. Lui, t'as dit 2000. Ben, c'est juste, mais enfin, moi j'aurais dit 3. Remarque ça, j'en parle jamais. La générosité, c'est une affaire de tempérament. On est très bien dans cette lingerie. C'est une excellente idée, c'est intime, c'est calme. Là-bas, les portes claquent, on gémit dans les coins, on vous harcèle de questions, on brandit des revolvers, le grand jeu, quoi. Tiens, vous êtes là tous les deux? Je vous cherchais partout. Oh, ces scènes me brisent les nerfs. Je file par le service fumer un cigare dehors. Elle surveille la porte d'entrée. Toujours pas de nouvelles de cet animal? Toujours pas. Ça va mal. Très mal. Et à peine habillée pour l'opéra, ma femme a filé comme une folle en disant qu'elle avait une idée. Vous y croyez, vous, à ces idées? Non. Ben, moi non plus. C'est tout de même pas gentil ce qui nous fait là, ton ami Georges. Ton ami Georges, Robert. Notre ami Georges, si tu veux. Il ne t'a rien dit, tu es sûr? Pourquoi veux-tu qu'il m'en ait dit plus qu'à toi, mon chéri? Parce qu'on en dit toujours plus long aux femmes, c'est connu. Et puis tu sais comme moi que Georges t'aime beaucoup. Vous sortez souvent ensemble. C'est un reproche? Mais non, c'est pas un reproche. C'est une constatation. Mais écoute, ma petite Barbara, on est mariés, femmes, c'est entendu, mais on est surtout des camarades. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu sais quelque chose. Tu te trompes. Mais s'il a fait un coup dur comme il y a 2 ans quand il a filé sur Bordeaux pour s'engager dans la Légion, tu vas pas me faire croire qu'à toi il n'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Enfin, tu sais que c'est notre situation à tous qui joue là derrière cette porte à coup de crise de nerfs. Puis si Henriette demande le divorce et qu'on nous flanque tous dehors, faudra se remettre à faire la dactylo, ma mignonne. Eh bien, on se remettra à faire la dactylo, mon petit Robert. Oh, tu m'écœures. Tu m'écœures. Tout simplement, tu m'écœures. Ah, c'est ça que t'attendais, ma vieille. Non, Robert, laisse-moi, laisse-moi, toi, dont je te défends de répondre. Oh, brute, sale brute. Allô? Comment? Georgette? Non, c'est pas Georgette. Mais non, monsieur, c'était pas une mais. Quitte à l'appareil. Vous dites? Comment? Le petit blond de chez Potton ne pourra pas venir au cinéma ce soir. Bon, on le lui dira. C'est tout de même pas chic ce que tu fais, Barbara. Même pour lui. Tu sais qu'il est nerveux, qu'il en est arrivé à détester Henriette, et j'ai l'impression qu'au lieu d'essayer d'arranger gentiment les choses, comme nous le faisons tous ici, comme ce serait ton devoir de le faire pour 1000 raisons, tu le pousses à exaspérer cette malheureuse. Mais ne parlons même pas de nous. Mais si elle divorce, tu crois qu'il sera heureux, ton Georges? Tu le vois retourner en vente des voitures à 1500 francs par mois, frais d'essence inclus, après 5 ans passés dans ce luxe? C'est mon ami, c'est entendu, mais tout de même. Il faut pas croire que c'est un aigle, un génie méconnu, ton chouchou. Il fait des manières avec Henriette, qui est une fille ravissante et qu'il adore. Mais s'il ne les avait pas trouvées il y a 4 ans, elle et ses millions, qu'est-ce qu'il serait aujourd'hui? Avec ses brillantes qualités d'ancien cancre, sa lâcheté devant la vie, son incurable paresse, ton chouchou, dis, qu'est-ce qu'il serait? Et toi, qu'est-ce que tu seras donc demain, s'il ne peut plus te faire vivre? Mais raté, comme lui. Tu m'apprends rien, ma mignonne. Mais c'est pour ça que je suis humble, moi. C'est pour ça que je ne dis rien, moi, même quand c'est pas très facile de ne rien dire. Même quand tu sors un peu trop souvent l'après-midi avec lui. Car il y a une chose qu'il faut vous appreniez tous les deux, parce que vous me l'avez apprise. C'est qu'on n'a pas le droit de badiner dans la vie avec ceux qui vous donnent votre argent. Quand on n'en a pas, ce vil métal, c'est sacré. Et les patrons qui vous le donnent, de même. Et si l'on gagne son argent entre les bras de Madame Henriette, il ne faut pas faire le malin. Votre place est entre les bras de Madame Henriette, pas autre part. Et sans rien dire. Comme moi. Tu me dégoûtes, Robert. Mais tout ça n'est pas très brillant, je te l'accorde. Et encore moins pour moi que pour toi, parce que toi, tu peux toujours te dire que c'est parce que tu l'aimes, tandis que moi... Mais enfin quoi, on a une vieille maman rentière en province, on a été élevé chez les pères, on a fait du latin, on n'est pas des voyous. Faut se dire ça, tu comprends, de temps en temps, hein. Regarde le papa de gars. Eh bien, je t'assure que tu l'étonnerais beaucoup, ma chère, si tu lui disais qu'il vit au crochet de son fils. Je m'ennuie dehors, moi. Avouez que c'est pas une vie pour un homme de mon âge. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette lingerie, sacrebleu? On change d'air. Ben, vous avez raison. L'atmosphère de cet appartement est irrespirable. Mais c'est pourtant pas ma faute, sacrebleu, si mon fils a découché. Croyez-vous qu'on va toujours aller à l'opéra? Ça me paraît très compromis. Moi qui me réjouissais de cette soirée. J'adore le ballet de Coppelia. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, enfin. Toujours rien, bien entendu. Toujours rien. Je ne le comprends pas, cet animal-là. Elle est charmante, cette enfant. Un peu violente, peut-être, un peu jalouse, mais enfin charmante. votre avis? Charmante. On a réussi à lui enlever son petit revolver à poignée de nacre? Et demain, j'en ai chargé. Je ne sais pas, moi. De mon temps, tromper sa femme, c'est entendu, mais on s'y prenait plus habilement. Et ce n'en était pas plus mal. Votre avis? Je n'en ai pas. Je ne dis pas que cet enfant doive absolument tromper Henriette. Loin de moi, cette pensée. Mais ce que je ne comprends pas chez vos jeunes générations, c'est ce goût de la brutalité, de la crudité. Vous dites que vous aimez les situations nettes. Alors on se dit, bon, ils vont se mettre dans des situations absolument nettes. Ils se conduiront comme nous n'avons pas su nous conduire. Or, pas du tout, pas du tout. Vous êtes des hommes comme nous et vous vous remettez dans les mêmes situations qui sont vieilles comme le monde. Seulement vous, vous montrez carrément votre derrière à tout le monde et vous croyez que c'est cela qui rend la situation nette. Mais j'aimais beaucoup mieux les anciens hypocrites. Finalement, ils faisaient beaucoup moins de mal. Votre avis? Ton avis? Je n'en ai pas. Elle n'en a pas. Moi non plus. Eh ben, à votre âge, j'avais toujours un avis, surtout. Ah, nous étions des gaillards, nous autres, à votre âge. Nous ne cherchions pas, nous autres. Je vous garantis que nous avions trouvé et bien trouvé. Ah, je ne le comprends pas, ce petit. Il a une femme charmante qui l'adore, qui est riche. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Répondez-moi. Et qu'est-ce qu'il veut de plus? Réponds-lui. Je n'en sais rien. Elle n'en sait rien. Une maîtresse? Je vous ai déjà dit mon sentiment là-dessus. Une maîtresse, c'est tout bonnement une question de tact. Alors quoi encore? Quoi encore? Rien. Il n'y a plus rien. L'argent, l'amour, on ne peut plus rien vouloir. Mais c'est pourtant simple, sacrebleu la vie. Je ne vous comprends pas, moi. Il dit qu'il est malheureux. Pourquoi est-il malheureux? Je suis un vieil artiste raté. Ma vie a été dure. Est-ce que je suis malheureux, moi? Est-ce que vous êtes malheureux, vous? Moi, je suis très heureux. Et vous? Et toi? Moi aussi. Ben alors? Il dit qu'il n'aime pas sa femme. Moi non plus, je n'aimais pas la mienne. Est-ce que j'ai fait tant d'histoires pour ça? Il dit que nous l'avons poussé à ce mariage. Bien entendu, nous l'avons poussé à ce mariage. Tout notre argent était en 3% et j'avais tout liquidé pour me refaire un peu au moment de l'affaire Imbert. Est-ce ma faute si nous ne sommes pas gouvernés? Il gagnait 1500 francs par mois à vendre ses automobiles et il avait les 300 000 francs de dette d'honneur de la famille à régler. Ça n'en aurait plus fini. Il rencontre une jeune fille de la meilleure société, riche à millions, ravissante et amoureuse de lui. Bon, il flirte avec elle, ça va très bien. Et puis tout d'un coup, crac, monsieur a une crise de conscience. Il se demande s'il doit l'épouser. Oh, Dieu merci, sa mère et moi, nous avons arrangé les choses. Vous ne trouvez pas ça admirable? Votre avis? Elle n'en a sûrement pas. Oh, vous êtes là? Oh là là, mes enfants! Quelle nouvelle, ma chère Edmée? Oh, si vous voyez mon bras, monsieur Robert. C'est comme ça depuis ce matin. Elle ne veut pas me parler sans m'enfoncer ses ongles dans le gras du bras. Oh, elle est dans un état. Toujours pas de nouvelles de monsieur? Toujours pas. Oh, mais maintenant... Je vous assure qu'il ne saurait tarder. Croyez-moi, ma bonne Edmée. Oh, tout de même, ce n'est pas pour dire, mais il pourrait penser un peu à nous, monsieur. Oh, oui, madame. Je ne peux pas la quitter une minute, monsieur Edgar. Vous ne voulez pas demander un tilleul à la cuisine? Avec de la fleur d'oranger? Oui, s'il vous plaît. Mais ne le faites pas apporter par Georgette, elle ne peut pas la voir. Elle lui arracherait les yeux. Ah ben, je l'apporterai moi-même. Sur un plateau et avec un apron, n'est-ce pas? S'il vous plaît, monsieur Edgar. Sans cela, c'est moi qui me ferai gronder. Sur un plateau et avec un menapron. Entendu. Ah, vous êtes là. Je vous cherchais partout. Oh, mes enfants, j'ai une excellente nouvelle à vous apprendre. Vous venez de la préfecture? Non, de chez la voyante. Madame Lirida, qui j'ai apporté un de ses chapeaux, m'assure qu'il n'a pas quitté la région parisienne. Malheureusement, ce chapeau-là, il me l'a déjà donné depuis un mois. Allons, bon, ça brouille tout. Ce doit être vous qui n'avez pas quitté Paris, ça n'a plus aucun intérêt. Il faut que j'y retourne. J'attends tout de cette femme. Elle est d'une lucidité qui fait peur. Dès l'abord, elle m'a dit mon âge. Auparavant, que dit Henriette? Elle veut mourir. Bon, eh ben j'aime mieux ça. Cela prouve qu'elle l'aime encore. Naturellement, nous n'allons plus à l'opéra. Ah, pas question. Nous y sommes et le grand air n'en finit plus. Oui, eh ben c'est une corvée de moins. Oh, mes enfants, j'ai une autre nouvelle très mauvaise, celle-là. J'ai appris par la cuisinière qu'elle avait reçu Maître Dupont Dufort dans l'après-midi. Mais c'est son avocat? Hélas, oui. Oh, cet enfant nous aura perdus. Oh, fiche, mon tilleul. Oh, il faut faire quelque chose, il faut absolument faire quelque chose. C'est trop bête, c'est vraiment trop bête de voir tout un bonheur s'écrouler comme ça, on ne sait pas pourquoi, pour rien. Oh, je le giflerais, je l'adore, mais je le giflerais comme un gamin si je le tenais. Oui, mais voilà, il faudrait précisément le tenir. Ah, moi, en tout cas, je ne pourrais pas renoncer à cette maison. D'abord, je suis une sentimentale. Je m'attache aux choses et puis ensuite, plus je vais, plus j'ai besoin de mes aises. Non, je me tuerais plutôt, mes enfants. Oh, cela n'en doutez pas, je me tuerais plutôt. Il y a des êtres qui ne peuvent respirer que dans le luxe. Si on leur arrache leur luxe, on les tue. Que pensez-vous de mon petit chapeau? Il est ravissant. Oui, c'est Henriette qui me l'a donné. Elle ne l'avait mis qu'une fois. C'est un chapeau qui vaut 1000 francs. Ah, cela lui serait pourtant si facile d'être heureux. Henriette l'adore, elle le comble, elle nous comble. Nous aurions pu nous aimer tous ensemble, en famille. Oh, mais il ne pense jamais à nous. Cette fois, c'est décidé. Qu'est-ce qui est décidé? Vous me faites peur, ma bonne Edmée. Madame quitte monsieur. Edmée, ce n'est pas possible! Comme je vous le dis. Voilà le tilleul sur un plateau. Elle n'en veut plus. Elle veut se lever. Elle dit que c'est trop bête de gâcher sa vie comme ça pour rien. Et avouez entre nous qu'il ne l'a pas volé, monsieur. Mais vous ne pouvez pas penser une chose pareille. Si, madame. Je suis femme, après tout, et je me mets à sa place. Et puis, tout le monde a besoin d'être tranquille ici. Edmée, ma petite Edmée, vous avez un cœur d'or. Vous ne pouvez pas nous faire cela. J'ai conseillé la patience à madame tant que j'ai pu. Maintenant, il y va de ma place, alors vous comprenez? Je dis quand même. Ah non, non, non, non, passe-la, c'est trop bête à la fin. Je suis la mère de Georges, soit, mais je suis l'amie d'Henriette, avant tout. Je vais lui parler. Mais elle est enfermée, à double tour, dans sa chambre, elle ne vous répondra pas. C'est ce que nous allons voir. Cet enfant m'a toujours adoré. Tant qu'elle adorait monsieur, peut-être, mais maintenant. Vous comprenez, vous êtes bien gentils tous, mais il ne faut pas vous faire des illusions. C'est une femme qui connaît la vie qui vous parle. Si c'est fini pour monsieur, vous pensez bien que pour la famille, il n'y a vraiment plus d'espoir. Que voulez-vous? Madame était à bout de patience. Je le voyais bien, moi qui subissais les contre-coups depuis longtemps. C'est beau d'aimer, mais si on ne vous aime pas à la longue... Enfin, sacrebleu, pourquoi ne l'aimait-il pas? Oh, elle ne veut pas me recevoir, sa porte est fermée à clé. Je l'avais bien dit à madame. Croyez-moi, comme j'expliquais à l'instant à ces messieurs dames, c'est bien fini pour monsieur et pour la famille de monsieur. Ce qui est dit est dit. Si monsieur ne rentre pas ce soir, madame va partir dès demain matin en voyage. Et il faudra que tout le monde vide les lieux. Comment? En un soir? Madame a dit que lorsqu'elle ne serait plus là, il fallait qu'il ne reste plus personne dans l'appartement. Mais enfin, c'est insensé! On donne 8 jours à des domestiques. Oui, mais c'est que monsieur n'était pas un domestique. Un domestique, c'est travailleur, c'est syndiqué. Moi, c'est pas pareil. Cette fille est d'une insolence! À qui croyez-vous donc avoir affaire? Apprenez que vous avez affaire à des gens du monde. Des gens du monde qui ne vous ont permis que trop de familiarité et qui vont vous traiter dorénavant comme vous le méritez. Allez, sortez ma fille, sortez sur le champ. Des gens du monde, laissez-moi rire. Des picassiettes, oui, et des purées. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, je n'ai jamais compris là. Oh, Edmée, ma petite Edmée, ma bonne petite Edmée, il faut être indulgente. Et excusez, monsieur Edgar, vous savez comme il est original, c'est un vieil artiste. Je suis sûre, moi, Edmée, qu'il n'a pas voulu vous offenser. D'ailleurs, il va vous le dire lui-même à l'instant. Ma petite Edmée, écoutez-moi, Edmée... Si nous vous promettions quelque chose pour user de votre influence... Rien à faire. Je regrette, mais monsieur n'a plus aucune chance pour lui. D'ailleurs, avec ce que vous pourriez me donner... Oh, cette fois, c'est la misère. Oh, je n'en aurai jamais le courage. Je suis trop vieille. Ou plutôt, non, je suis trop jeune pour m'y résigner. Le beau Georges qui ne pouvait pas mettre ses cravates plus de 3 fois. Monsieur était trop délicat. Il aimait changer de nuance. Monsieur va les user jusqu'à la corde, ces cravates. C'est un détail, mais ça va t'obliger à en acheter. Je m'en fous. Je veux bien aller sans col avec des trous aux fesses pour avoir le plaisir de voir monsieur dans la mouise. Il en crèvera, monsieur. Et les godasses à triple semelle et coins d'acier à 600 balles, fini. De très légers Richelieu box-calf, 10 poids plumes. À 89 francs en solde, boulevard Sébastopol. Et le pantalon à rayures, avec le petit veston noir croisé du bon jeune homme, et allez oust dans le métro d'après le déjeuner qui sent la graisse froide. Et un patron sur le dos, il en crèvera, monsieur. Toi aussi, si ça peut te consoler. Moi aussi. Mais lui, d'abord. Parce que, Dieu merci, ton généreux ami Georges, il m'a habitué à en avoir un patron pendant ces 2 ans. Et mes 2000 francs, il me les a fait gagner, je te le garantis. Remarque que ça, si régulier, j'en aurais fait autant. Quand on fait vivre quelqu'un, que ce soit sa bonne ou son employé, il faut qu'on lui fasse payer son argent en nature. C'est plus fort que soi. Mais lui aussi, il va payer en nature maintenant. Comme au régiment, quand il pleurait toute la nuit dans la chambrée après une belle journée d'engueulade. Dites donc là-bas, le nommé de la chaume. C'est ça que vous appelez cirer des chaussures, demi-tour, vous me ferez 4 jours. Comment vous m'en ferez 8? Oh, monsieur va se les cirer, ces godasses. Tout seul, tous les matins, et à perte de vue. Et s'enfourrer jusqu'au coude du cirage. Monsieur va en baver comme il n'en a jamais bavé. Toi, tu m'écœures. Non, je ne me tairai pas. Tu peux pas savoir ce que c'est que d'avoir un copain qui est plus beau que vous, plus malin que vous à l'école, et qui après devient riche par-dessus le marché. C'est ça qui doit être beau dans les révolutions, tu vois, même si on s'en fout comme moi. Voir crever ce qui était heureux. Il en crèvera, moi je le connais, il en crèvera, le petit délicat, à coup sûr. Si au moins on pouvait savoir où il est, pour aller lui expliquer qu'il joue sa dernière chance ce soir. On crèvera tous. Mais lui d'abord. Je ne veux pas! Je ne veux pas. Je l'ai suivi l'autre jour, il a loué une maison près de Paris, 32 rue du Guesclin à Senlis. Il doit y être ce soir. Nom de Dieu! Tu crois que t'aurais pas pu te dire plus tôt, idiote? J'ai la voiture en bas. Vite, vous autres! Troisième acte. Même décor qu'au premier acte, à Senlis. Apparaît enfin Isabelle, Emmanuel Riva. Et vous êtes bien sûr qu'il ne vous connaissait même pas il y a une heure? Si nous en sommes sûrs, nous sommes arrivés au train de 7h10. Et il a vraiment loué cette maison au mois? Mais habituellement, je ne veux pas louer au mois. Mais il avait l'air si gentil. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. N'est-ce pas, madame? Et c'est vous qui l'avez choisi pour jouer le rôle du vieux serviteur fidèle? Oui, mademoiselle. C'est effrayant. Oh, j'ai servi 17 ans en maison bourgeoise, mademoiselle. Certes, j'eusse été averti à temps que je me serais composé une toute autre silhouette, mais j'ai été simplement commandé sur un coup de téléphone avec le menu type numéro 2 pour 4 couverts. Pour 4 couverts? Pourquoi 4 couverts? Nous devions être 5 avec Robert. Mais que mademoiselle m'excuse, mais puisque mademoiselle est en train de découvrir le poteau rose, autant que mademoiselle le découvre tout entier. Le 5e couvert ne doit pas manger, mademoiselle. C'est l'ami! Oui, le fameux ami intime. Robert? C'est cela, Robert, le célèbre Robert. Il ne doit pas manger. Et pour cause? Il n'existe pas. Comment, Robert n'existe pas? Mais pas plus que nous. Ça, c'est pas vrai. Robert existe, j'en suis sûre. Nous parlons tous les jours de lui depuis 2 mois. Mais pure invention, vous dis-je. Mais j'ai vu sa photographie. Photo truquée. De la part de ce gaillard-là, rien ne peut plus m'étonner. Qu'est-ce qui peut être vrai si Robert lui-même est un mensonge? En fait, de Robert... C'est Robert Houdin, oui. Oh, qui sait même s'il va revenir de ce prétendu coup de téléphone, le beau jeune homme. Ou si ce n'est pas un stratagème pour nous laisser tous en plan. Qui l'ose? Qui l'ose? Ah, je vous dis que c'est impayable. Impayable. Oh. Mais dites donc, s'il ne revient pas ce soir, qui est-ce qui va nous payer? C'est gay? Tu veux que je te dise? Quelque chose me disait que c'était pas sérieux, cette affaire. Oh, mais attention, hein? Attention! Je fais partie de l'Union, moi. Ça ne se passera pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu feras, gros malin? Tu connais même pas son adresse, ce petit voyou. Guillotard la connaît. Penses-tu? Il m'a dit qu'il lui avait donné celle-là. Mais dites-moi, je vais pas être tenue responsable sur mes meubles, tout de même. Oh, je n'en sais rien, madame, je n'en sais rien. Vous n'avez qu'à prendre des renseignements quand vous louez à des inconnus. Mais enfin, monsieur, je pouvais pas savoir, moi. Ce jeune homme avait l'air de si bonne famille. De si bonne famille, hein, laissez-moi rigoler. C'était nous, sa famille. Oh, permettez-moi de vous dire que vous avez un drôle de coup d'œil. Oh là là, on n'est pas plus poire. Un petit filou, oui, le jeune homme de bonne famille. Cela crevait les yeux. Quant à vous, mademoiselle, vous êtes dupée comme nous par ce garçon, je veux bien le croire. Mais si vous étiez ma fille... Permettez-moi de vous dire que je vous conseillerais de vous renseigner sur les gens avant de devenir leur bon ami. Je vous défends de parler ainsi de lui. Qu'est-ce que vous deviez toucher ce soir si tout s'était bien passé? 150 francs, c'est le tarif pour la province. Et plus les déplacements. Ah, oui. Naturellement, plus les déplacements. Les déplacements ne sont jamais compris. Voici 400 francs. C'est tout de même drôle que ce soit vous qui régliez les frais de la comédie par-dessus le marché. Enfin, à votre aise... Je vais vous rendre la monnaie. Tu as de la monnaie, ma bonne amie? Je sais pas. Combien te faut-il? Je vous en prie, ne cherchez pas, monsieur. C'est une petite gratification pour avoir si bien joué votre rôle. Sachez, mademoiselle, que je suis au-dessus des insinuations de cet ordre. Une question, cependant. Vous jouez le drame ou le vaudeville? Je joue tout, mademoiselle. Le classique et le moderne, le tragique et le comique. Et vous ne mélangez jamais les genres? De mon temps, cela ne se faisait pas, mademoiselle. Mais avec les pièces qu'on nous sert maintenant, évidemment. Quand on vous a engagé pour jouer un père noble, vous arrive-t-il souvent de recevoir l'héroïne comme vous m'avez reçue? Oh, ça c'est un peu fort. Vous n'allez pas me reprocher de vous avoir dit la vérité tout de même. Vous alliez être jouée, ma petite. Peut-être, mais vous étiez payée pour me jouer. Et puisque c'est votre métier... Alors je vous en prie, je vous en prie. Ne touchez pas à un art qui a droit à notre respect à tous les deux. Vous ne comprenez donc pas que si je suis sorti de mon personnage, c'est parce que j'ai senti qu'il y avait une vilenie dans l'air. Me croyez-vous capable d'être complice d'un suborneur? Qui sait même? D'un vulgaire pickpocket qui n'en voulait qu'à votre sac à main. Si c'est cela, le pauvre garçon, j'ai peur qu'il ne lui reste bien peu de choses. Qu'est-ce que je vous dois à vous? 680. Et c'est-à-dire un instant, mademoiselle. Enfin, entre femmes. Vous croyez que c'est délicat de vous avoir fait ça? Mais c'est une honte. Et si je le tenais, vous savez ce que je lui ferais à ce sale petit galopin? Je lui tirerais les oreilles. Pauvre Georges. Lui qui avait inventé une si belle histoire. Trouvé en arrivant ses dignes parents en révolte et son vieux serviteur fidèle en train de falsifier l'addition. Comment? Excusez-moi, je vérifiais les chiffres. Et combien ça fait-il après cette vérification? 816. On avait oublié les suppléments. 816, 2 fois 8. C'est bien. Payez-vous vite et allez-vous-en tous les trois. Vous n'avez plus rien à faire ici maintenant. Soit. Adieu donc. De nous deux, Dieu sait quel est le juste. C'est certainement vous. Mais dépêchez-vous, monsieur. Si Georges vous trouve ici, je crains qu'il ne vous félicite pas. C'est juste. À quelle heure le prochain train pour Paris, grand-maman? Oh, à cette heure-ci, j'ai bien peur qu'il n'y en ait plus. Venez avec moi à la cuisine, nous allons consulter l'indicateur. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait sauter sur vos genoux, vous, au moins? Croyez bien que je le regrette, mademoiselle. Toutes ces grands-mères sont fausses. Ce vieil oncle est un imposteur. Le canapé Napoléon III lui-même, qui l'eût dit, est un traître. Il n'a jamais joué à cache-cache derrière lui. Comme c'est dommage. Je vous demande pardon, mademoiselle. Toutes les portes sont ouvertes. On entre ici comme dans un moulin. Je voudrais parler à monsieur Georges de la Chaume. Bonsoir, Robert. Tiens, qui vous a dit mon nom? Je l'ai deviné. Ah, mais vous avez beaucoup de talent. Est-ce que vous tirez également les cartes? Avant tout, dites-moi franchement si vous êtes un comédien. Vous pouvez parler sans crainte. Je suis au courant de tout le reste. Non, pardon, mademoiselle, je suis bien au 32 ici. Oui. Rue du Guesclin. Oui, oui. Mademoiselle, je suis un ami de monsieur Georges de la Chaume. Vous êtes même son ami d'enfance. Vous vous appelez Robert Lemoine, vous avez 26 ans. Vous venez ici ce soir pour dîner avec moi. Erreur, j'ai déjà dîné. Mais ça ne fait rien, ne vous troublez pas, toutes les voyantes se trompent. Continuez. Ce que vous m'apprenez m'intéresse prodigieusement. Levez-vous d'abord. Vous voulez que je me lève? Regardez-moi en face. En face? Vous vous tenez bien droit en ce moment. Si je me tiens droit, pourquoi? Comment se fait-il que vous ne soyez pas plus grand? Je ne sais pas, je fais ce que je peux. Georges m'avait dit que vous étiez aussi grand que lui. Georges vous a parlé de moi? Mais bien sûr, Georges ne parle que de vous, cela vous étonne? Un peu... Mais on peut savoir ce qu'il vous a dit de moi, mon ami Georges? Beaucoup de mal, n'en doutez pas. Ça, je n'en doute pas. Mais quoi encore? Non, vous ne devez pas être un comédien. Vous auriez déjà touché votre cravate pour avoir l'air naturel. Pardon, mademoiselle. Puisque c'est mademoiselle qui a réglé, est-ce que je dois tout de même servir le dîner? Il est 10 heures passées. C'est un vœu des personnes que mademoiselle sait. Les personnes que mademoiselle sait sont en effet obligées d'attendre l'aube à l'office. Elles n'ont plus de train pour Paris avant demain matin. Jusqu'à quelle heure la maison Chauvin assure-t-elle le service d'un repas? Jusqu'à minuit, mademoiselle. Eh bien, nous attendrons minuit. C'est comme mademoiselle voudra. Toutefois, les cuisines ne possédant pas de frigidaire, j'avertis dès à présent, mademoiselle, qu'il y a certaines sauces dont je ne réponds pas. Mais enfin, qu'est-ce que tout ça signifie, mademoiselle? Figurez-vous, monsieur, que je comptais sur vous pour me le dire. Sur moi? Mais d'abord, où sommes-nous ici? Dans une maison que Georges a louée toute meublée ce soir pour me recevoir. Une garçonnière de 15 pièces et à 100 lits encore. C'était pas tout à fait une garçonnière. Ça devait figurer sa maison natale. Sa maison natale? Oh, j'adore ce détail. Et l'appariteur des pompes funèbres qui vient de sortir? C'est un maître d'hôtel de la maison Chauvin qui devait jouer le rôle du vieux serviteur de la famille. Tiens, tiens. Il y a aussi dans la cuisine un comédien et une comédienne pour le papa et la maman. Pour le papa et la maman? Bravo! Et vous, qu'est-ce que vous deviez jouer dans tout ça? Puis d'abord, qui êtes-vous, vous? Je suis une de ses amies. Non, Georges a beaucoup d'amis. Une amie d'où? Une amie de nulle part. Puisse cela me distinguer des autres. Je l'ai rencontrée au musée du Louvre. Au musée du Louvre, c'est admirable. Monsieur visite le musée du Louvre maintenant. Monsieur le fourre-tous dans le pétrin pour visiter à loisir le musée du Louvre. Sacré Jojo. Mon Dieu, quelle horreur! Vous l'appelez Jojo? Quelquefois, quand je suis de bonne humeur. Mais il ne m'avait pas dit cela. J'ai l'impression qu'outre ce léger détail, il y a beaucoup de choses qu'il a oublié de vous dire, mon ami Georges. Il ne vous a même pas dit que vous deviez dîner ici ce soir avec une jeune fille? Même pas, mademoiselle. Je me demande bien pourquoi il n'a pas voulu que nous nous rencontrions. Je me le demande aussi, mademoiselle. Vous savez à quelle heure il doit revenir ici? Il était déjà parti quand je suis arrivée. Il n'avait rien dit à ses gens, les quittant. Charmante soirée. C'est drôle. Il m'avait dit qu'il vous racontait tout et il ne vous a même pas parlé de moi. Ce doit être un oubli, mademoiselle. Vous êtes pourtant bien son ami, n'est-ce pas? Son ami intime, mademoiselle, n'en doutez pas. Son seul et véritable ami intime. Tout ce qu'il y a de plus intime, je vous prie de le croire. Le petit castor de ce cher Pollux. C'est vrai que vous lui avez sauvé la vie en barque autrefois? En barque? Non, mademoiselle, je regrette, mais je ne sais pas nager. Ah. Et cette jeune fille que vous aimiez tous les deux à 18 ans? Cette jeune fille que vous lui avez sacrifiée? Une jeune fille sacrifiée? Non, je ne me souviens pas. Je suis confus, mademoiselle, mais je n'ai jamais entendu parler de cette jeune fille. Il faut que je me fasse une raison. Vous n'avez pas non plus vendu vos meubles un jour afin qu'il puisse acheter un habit, n'est-ce pas? Mes meubles? Il vous a dit mes meubles? Oh, monsieur a une imagination extrêmement brillante. Monsieur me voit vraiment très chevaleresque. Mes meubles? Oh, j'aime ce dernier trait. Je l'adore. Qu'il me touche. Mes meubles. Monsieur est trop bon, vraiment. Monsieur est trop bon. Il burine l'idylle, il chatouille la pastorale, monsieur. Il fait de la miniature quand il est de sortie avec une dame. Je t'en ficherai des fillettes sacrifiées, des dévouements, des délicatesses. Je t'en ficherai, monsieur, des amis véritables. Monsieur, pour plaire aux dames, s'invente un ami dévoué. Un ami dévoué qu'il a le culot d'appeler du même nom que moi. Eh bien, je vais vous dire ce que nous sommes, mademoiselle, monsieur et moi. Non, ne me dites rien, je ne veux rien savoir. Non, rien savoir, non. Ça sera trop facile. Lui me dira alors, pas vous. Monsieur vous a dit que je l'aimais, qu'il m'aimait comme un frère. Eh bien, monsieur me hait, mademoiselle. Et je hais monsieur. Nous sommes des amis de toujours, oui, ça c'est vrai. Et nous les tétions ensemble, nos nourrices. Mais la haine nous est venue avec l'âge de raison et depuis, croyez que nous avons rattrapé le temps perdu. Qu'est-ce que vous faites ici alors, ce soir? Qu'est-ce que vous faites près de lui tous les jours? Mais je tiens à lui, ma chère petite demoiselle, comme le coquillage à son rocher. Et pour la raison qui fait les vrais inséparables, il me fait vivre. Mais lui, pourquoi vous garde-t-il près de lui? Il a besoin de moi, tous les jours, le cher ange, pour m'humilier, pour me faire faire ses courses. Ou mieux, il a besoin de ma femme. De votre femme? Comme j'ai l'honneur de vous le dire, la honte au front. Mais vous n'avez pas l'air de très bien comprendre. Je me sers pourtant de la langue française, la plus concise, la plus claire, la langue des diplomates et des souverains. Vous faut-il un mot plus expressif? Vous me dégoûtez, taisez-vous. C'est ma spécialité, je dégoûte. On vient de me le dire il y a un instant. D'ailleurs, c'est vrai, c'est moi qui suis dégoûtant par-dessus le marché. Je ne l'ignore pas, ma chère. Tandis que ce que fait monsieur, c'est tout de même très grand seigneur. Ça a tout de même beaucoup de grâce. Et la grâce, n'est-ce pas, c'est tout. C'est d'ailleurs le rêve de monsieur, la grâce. Que voulez-vous, c'est un délicat, monsieur. Pas méchant pour deux sous, au fond. Ainsi, ces comédiens jouant les parents nobles, cette maison vénérable, monsieur les désire sincèrement. Monsieur les aime. Cet ami du meilleur modèle, croyez-moi, il ne rêve que de lui. Seulement pour l'avoir en chair et en os, il aurait fallu qu'il le paie de quelque chose, monsieur, son ami dévoué. Mademoiselle, mademoiselle, ce sont d'autres personnes. Je ne sais plus, moi, je suis débordé. Eh bien, Robert, sacrebleu. Oh, nous nous inquiétons, il est près de 11h. Ah, vous voilà, vous. Vous arrivez bien. L'atmosphère est tout à fait propice. C'est exactement le moment des apparitions théâtrales. En plein feuilleton, en plein mystère. Venez, venez. C'est le moment où on en apprend des belles, des vertes, des pas mûres, des absolument incroyables. Vous savez ce que vient de me révéler cette charmante jeune fille qui attend ici, monsieur, la larme à l'œil et la main sur le cœur. Monsieur m'adore et j'adore monsieur. Mais enfin, sacrebleu, voilà une façon de nous recevoir. Qui est cette jeune fille d'abord? Cette jeune fille, c'est les mystères de New York. C'est la frêle et pâle héroïne entraînée toute tremblante par monsieur dans les plus sombres aventures. Où sommes-nous ici? Dans la maison du chinois. La maison où les portes s'ouvrent toutes seules dans les murs, où les lotus sont des téléphones et les téléphones des lotus. D'ailleurs, regardez ces tentures, ces plantes vertes, ces cache-pots, ces portraits de famille. Tout ça est louche, tout ça est extrêmement louche. Attention, monsieur de la Chaume, attention. Sous vos pieds, ce léger défaut du tapis, c'est la trappe. C'est par là, c'est sûrement par là qu'ils vont arriver. Mais qui, sacrebleu, je n'y comprends rien, moi, qui? Mais eux, les autres, les invités du chinois. Tenez, tenez, quand je vous le disais, les voilà. Mais cette maison est entièrement truquée, messieurs. Cette maison regorge de papa postiche, de maman en staff. Soulevez ces fauteuils, il y a certainement une grand-mère dessous, un ami intime dans chaque tiroir, et tout ça inventé de toutes pièces par monsieur pour plaire à une jeune fille. Ah, c'est trop beau! Je vous dis que c'est trop beau, j'en éclate, moi, j'en mourrais ce soir! Mais tu entends, toi, c'est plus fort que tout ce qu'on avait vu jusqu'à le jour. Monsieur s'était inventé une famille. Mais ça, c'est rien, ça, c'est courant, ça se fait tous les jours. Monsieur a fait mieux. Monsieur a dit à mademoiselle que j'adorais, qu'il m'adorait. Mais qu'il m'adorait, tu entends? Eh ben, ça te fait pas rire. Qu'il m'adorait. Tu ne ris pas. Tais-toi, Robert. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis que tu devrais te taire maintenant. Me taire? Mais tu ne sens pas qu'au point où la scène en est arrivée maintenant, il nous est plus possible de nous taire. Que nous allons enfin devoir jouer nos rôles tous, jusqu'au bout. Mais allez, parlez, madame de la Chaume. Parlez maintenant. Je vous en conjure, c'est le moment. Mettez-vous la main sur le cœur et bien vite, là. Monsieur de la Chaume, tremblotez de la moustache, soyez digne, digne, digne, c'est le moment. Mais dites-lui qu'il vous faut votre fils tout de suite pour le ramener à la maison, qu'il y va de l'avenir de toute la famille. Mais allons, allons, mais qu'est-ce que vous attendez? C'est votre scène! Mademoiselle, je sens bien que cette situation est très pénible pour vous comme pour nous, mais c'est une mère qui vous parle. Vous avez l'air d'être une jeune fille comme il faut. Vous me comprendrez, j'en suis sûre. Notre fils vous a menti. Il faut que vous nous le rendiez. Cet enfant est en train de briser son foyer, mademoiselle. C'est notre bonheur à tous que vous tenez entre vos mains. Je vais vous expliquer, mademoiselle. Non, madame. Comment non? Je ne veux rien apprendre. Ah, ça, c'est insensé, par exemple. Je me boucherai les oreilles. J'irai attendre Georges dans la rue au besoin. Mais je n'apprendrai rien. Mais vous parlez comme une enfant. Vous ne pourrez pas ne pas tout apprendre. Alors de Georges, mais pas de vous. Mais rien ne pourra nous empêcher de vous dire que notre fils est en train de briser sa vie à cause de vous, mademoiselle. Oh, vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez trop. Mais comment, du tact, nom de Dieu. Un peu de tact, madame. Mais vous me dégoûtez tous les trois avec votre peur de le perdre. Vous savez bien que vous allez le reprendre. Le ramener là-bas tout à l'heure, ça ne vous suffit pas? Dites. Ça ne vous suffit pas? Allons, bon, il manquait plus que ça. Madame défendant les amours de monsieur avec la belle inconnue. Quand je vous dis que c'est les mystères de New York... Mais qu'est-ce que vous avez besoin de lui dire à cette jeune fille? Qu'est-ce que vous avez besoin de démolir encore? Vous croyez que c'est pas suffisant qu'elle nous ait vus tous ici ce soir avec nos sales têtes d'hypocrites? Barbara! Qu'est-ce qu'elle a dit? Ma petite Barbara, vous ne savez plus ce que vous dites. La jalousie vous égare. Je veux qu'on le laisse tranquille maintenant. Je veux qu'on le laisse être heureux tranquille. Mais vous êtes folle, ma petite, sans nous? Oui, sans nous. Et c'est cela que vous appelez aimer Georges? Réponds quand on t'interroge. C'est ça que tu appelles aimer Georges? Mais qui est cette jeune fille? Oh, ma femme, mademoiselle. Je ne sais pas où j'avais la tête quand elle est entrée. Excusez-moi. Je vous présente madame Jeannette Lemoine, dite Barbara, parce que ça fait mieux. Dis bonjour à la dame, toi. Enlève ton chapeau. Votre femme? Mais... Oui, il y a un mais. Il y a toujours un mais dans la vie, quand on gratte un peu la surface des choses. Un conseil, vous me paraissez d'un naturel sain et tranquille, ne vous livrez jamais à ce petit travail, c'est dangereux. Ne grattez pas, mademoiselle, ne grattez surtout pas. Les apparences suffisent largement à faire un monde. C'est pas vrai, mon vieux? Georges, mon petit Georges, nous cherchons partout. Il faut absolument que tu sois rentré avant minuit, tu entends? Absolument. Pas de cri, papa. Je viens de là-bas, tout est arrangé. Je vois que les présentations se sont faites toutes seules. Oui, Georges. Voilà Robert, le célèbre Robert, la femme de Robert dont je ne vous avais rien dit par une négligence vraiment incompréhensible, mon vrai père, ma vraie mère. Où sont les autres? À côté. Ils n'ont pas de train pour repartir avant demain matin. C'est parfait. Vous avez fait votre choix? Avec lesquels préférez-vous passer la soirée? Les faux étaient charmants s'ils avaient su leur rôle, mais les vrais ne sont pas moi non plus. Vous verrez. Pourquoi m'avez-vous menti, Georges? Vous me le demandez? Ils ne vous ont pas parlé, c'est bien étonnant. Enfin, ils vous ont au moins dit que j'étais marié. Non, Georges. Apprends que tes parents ont tout le tact et la délicatesse qui te font défaut, mon garçon. Nous n'avons rien dit. Je suis marié, Isabelle. Ah, Georges. Oui. Je suis marié depuis 4 ans avec une fille riche que je n'aime pas. Une fille très riche. Explique, papa. Tu expliques si bien. J'explique si bien. Naturellement, je suis fier de ton mariage. Et qui n'en serait pas fier? Avez-vous entendu parler des poutrelles métalliques d'Esmond, mademoiselle? Mais... peut-être, je ne sais pas. Eh bien, j'ai épousé les poutrelles métalliques d'Esmond. La plus grosse affaire de poutrelles d'Europe. Est-ce tout, Georges? Non, Isabelle. Nous vivons tous de ce mariage, y compris Robert et sa femme. Et s'ils m'ont poursuivi jusqu'ici, c'est que ma femme a décidé de nous flanquer tous dehors si je n'étais pas rentré à l'heure ce soir. Ne l'écoutez pas, mademoiselle, il ne sait pas ce qu'il dit. Il y a beaucoup plus fort encore. Chez nous, il y a toujours plus fort. Non, je ne veux pas vous écouter, vous non plus. Vous avez peur? Vous qui n'avez jamais peur? Non. Mais pourquoi essayez-vous de rire avec ce mauvais rire que je ne vous connais pas? Vous avez mal, vous. Georges, avez-vous le courage de rester seul avec moi 5 minutes? J'ai tous les courages ce soir. Georges Monty, je sais que cette situation est très délicate pour toi, très pénible même, mais il est près de 11 heures, Paris est loin. Nous pouvons avoir un retard sur la route. Je ne vous demande que 5 minutes, Georges. Je crois que vous me les devez. Laissez-nous, je vous prie. Vous pouvez sortir sans crainte. Dans 5 minutes, nous retournerons tous ensemble à la maison. Rien ne peut plus nous en empêcher maintenant. Soit. Nous te faisons confiance une dernière fois. Tu entends? Une dernière fois. À tout à l'heure. À tout à l'heure, papa. Quel effondrement, n'est-ce pas? Un jeune homme de si bonne famille. Un jeune homme qui avait toutes les qualités. Trop de qualités, d'ailleurs, ma chère. Je m'étonne que cela ne vous ait pas donné l'éveil. Pourquoi m'avez-vous menti, Georges? Comment, vous me questionnez? Je croyais que vous ne vouliez rien savoir. Je veux seulement savoir pourquoi vous m'avez menti. Dites-le-moi sans crainte. Vous voyez, je vous demande cela sans trace de pathétique, sans le moindre trémolo dans la voix. Je ne vous ferai pas de scène. Eh bien, c'est cousu de fil blanc, ma chère. Je rencontre une jeune fille au musée du Louvre. Je prends le thé pendant 2 mois avec elle en visitant idylliquement le vieux Paris. Car vous m'avez fait bel et bien visiter le vieux Paris et prendre le thé. Je déteste le thé. Je hais le thé. Alors un jour, j'ai lu par-dessus la tête de votre thé dans vos petits tea-rooms verts et roses. Par-dessus la tête de nos frôlements de mains entre deux meringues, de nos baisers volés dans des taxis. Seulement que faire? Que proposer à une jeune fille de peau basse Pyrénées, égarée dans la capitale, pour y suivre des cours de lettres? Lui révéler le mystère de la vie parisienne, impossible. L'amour, l'hôtel Borgne, s'était fichu d'avance. À que vous offrir alors? Ils vous l'ont dit, je suis marié, je n'ai plus rien de convenable à offrir sur cette terre. Alors comme je suis un garçon extrêmement noir, j'ai imaginé ce bon jeune homme, sa maison natale, son vieux serviteur fidèle et ses respectables parents. Et j'ai bel et bien décidé de vous séduire, ma chère. Avez-vous sérieusement pensé que j'allais croire quelque chose d'aussi bête? Non, Isabelle, mais j'essayais. Il faut toujours essayer. Pourquoi m'avez-vous menti, Georges? Eh bien, le premier jour, je vous ai menti pour la triste raison que je viens de vous dire. Vous me plaisiez, vous étiez une jeune fille. Je n'allais pourtant pas vous avouer qui j'étais de but en blanc pour tout faire rater. Les autres jours? Les autres jours, je me suis mis à vous mentir pour ne pas vous avoir trop menti le premier jour. Pour que ce bon jeune homme pour lequel vous aviez tant de sympathie soit un peu vrai, dans la mesure du possible. Mais pourquoi toute cette comédie ce soir, puisque je devais partir demain? La comédie de ce soir, c'est autre chose. C'est le détail pour lequel les assassins se font toujours prendre. Ils ont des alibis irréprochables. Ils essuient minutieusement leurs empreintes, seulement ils donnent 10 sous à un gosse en sortant, ou bien ils cueillent dans le jardin du mort une fleur pour leur boutonnière. La comédie de ce soir, c'était pour le plaisir, Isabelle. Quel plaisir? Le plaisir de vivre enfin une vraie soirée de famille avec vous. Vous croyez que c'est si amusant que cela, une vraie soirée de famille? Je ne sais pas. Comment, vous ne savez pas? J'imagine. Vous n'avez pas été élevé chez vos parents? Si. Ils ne s'entendaient pas très bien ensemble, peut-être. Pas très bien, c'est ça. Maman rentrait toujours très tard de prendre le thé avec ses amis. Elle avait tant d'amis. On l'attendait longtemps pour dîner, quand il était vraiment trop tard. Et que je m'endormais sur la table, la bonne me faisait manger. Elle était furieuse d'être obligée de me faire manger. Papa aussi était furieux, alors. Il montait s'enfermer dans sa chambre avec ses soldats de plomb. Ses soldats de plomb? Oui. Oui, c'est papa chez nous qui avait des collections de soldats de plomb. Oh, c'était vraiment une drôle de maison. Votre papa et votre maman étaient sérieux, vous? Oui, Georges. Et tout le monde était à table en même temps? Bien sûr. Ça devait être merveilleux. Il n'y a qu'à vous regarder, d'ailleurs, pour deviner que vous êtes la petite fille d'une maison bien en ordre. D'une maison, il faisait clair et chaud le soir, où les domestiques étaient polis et les repas sans drame. Heureuse. Radieuse, Isabelle. Comme vous devez en avoir des grands-mères heureuses se tenant à la queue leu-leu par le pan de leur jupe, derrière vous, jusqu'à la dernière qui vous tient la main et vous protège encore. Je vais vous dire quelque chose de drôle. Je crois bien que j'ai été aussi amoureux de toutes vos grands-mères. Au milieu de tant de mensonges, c'était donc vrai, Georges, que vous étiez un peu amoureux de moi. Oui, Isabelle. Ça, c'était vrai. Alors, je suis tout de même heureuse. Vous avez raison. Soyons heureux. Comme on est exigeant, toujours. On commence par ne pas vouloir moins d'une vie de bonheur. Puis on apprend que quelques années volées, c'est déjà une étrange chance. Après, on accepte de se contenter d'un soir. Et puis tout d'un coup, il ne vous reste plus que 5 minutes. Et on arrive à trouver que c'est encore une oasis infinie. 5 minutes de bonheur. On est bien, n'est-ce pas, dans ma vieille maison? Papa et maman ont enfin plié leurs journaux et regagné leur chambre. Le vieux Robert lui-même a fini par comprendre et nous a laissés. Nous sommes bien. Nous n'avons même pas besoin de nous tenir la main comme les amoureux des premiers jours pour nous assurer de notre présence dans cette pénombre, dans ce silence. Nous sommes sûrs que nous sommes là. Quelle tranquille fin d'une heureuse journée. Qu'est-ce que nous ferons demain, ma chérie? Beaucoup de choses, Georges. Quelque chose d'un peu bête, en tout cas. Une de ces invraisemblables occupations des amoureux encore chastes qui ne savent jamais où se poser dans Paris. Nous irons au musée Grévin, ma chère, ou au bois de Boulogne, canoter. Nous aurons été des fiancés terriblement canoteurs, Georges. Terriblement. Mais à dessein, les fiancés doivent apprendre sur les esquives du bois de Boulogne à bien conduire plus tard la barque de leur vie. Vous savez que je serai un vieux monsieur très radoteur au bout de 20 ans de mariage. Est-ce que vous me détesterez? Non. Non. Vous serez très douce, très maigre et très charmant. La vieille compagne fidèle, celle qui a fait le coup de feu avec vous contre les chercheurs d'or à l'époque du Colorado. Celle qui ne s'est pas teint les cheveux, qui a conservé toutes ses rides. Acceptez-vous de garder vos rides et d'avoir les cheveux tout blancs par amour pour moi, Isabelle? Bien sûr, Georges. Ah. Je sens que je n'aurais pas pu vivre mes 5 minutes de bonheur sans cette assurance-là. Je les aurais certainement perdues à vous faire une scène. Peut-être faudrait-il que je vous en fasse une, absolument gratuite, pour que ces 5 minutes ressemblent vraiment à une vie heureuse. Qu'en pensez-vous? Je crois que l'intention suffit, mon chéri. Mon chéri, quel est ce courage extraordinaire? Vous ne m'aviez jamais appelée ainsi. Isabelle. Avant, je n'osais pas. Mais cela fait déjà 4 minutes que nous vivons ensemble. Alors... 4 minutes, déjà. Comme le temps passe. Je me demandais d'où venait cette confiance, cette quiétude entre nous. Nous en sommes déjà à l'apaisement, à la tendresse, aux noces d'or. Nous aurons été très heureux ensemble, Isabelle. Et, sans nous l'être beaucoup dit, je crois que nous serons bien aimés. Pourquoi employez-vous le passé? Parce que notre longue vie conjugale est déjà presque finie. Cessez ce jeu, je vous en supplie. J'ai peur maintenant, Georges. Excusez-moi, j'ai l'air du geôlier dans les anciennes pièces, mais les 5 minutes sont passées, le papa et la maman sont déjà dans la voiture. Georges, s'il vous plaît. Non, n'ayez pas peur, Isabelle. Laissez-moi seul avec eux un instant, je vais tout arranger, je vous le promets. Tu vas rester derrière nous, toi. Tu lui diras que je lui ai menti parce que j'avais peur de sa peine. Que je ne l'aime pas, que je ne l'ai jamais aimé, qu'il vaut mieux qu'elle retourne chez elle et qu'elle oublie cette pauvre histoire le plus vite qu'elle pourra. Ah, tu en as de la chance de ne pas être un sentimental, toi. Tu me fais mal, Robert, retire ta main. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es tout pâle. Mon épaule, déboutonne mon imperméable, s'il te plaît. Mais tu es plein de sang, Georges. Touche pas, ma chemise est collée. Déboutonne seulement l'imperméable. Mais tu es blessé, Georges. Non, ce n'est rien, c'est Henriette. Tu sais son petit revolver à poignée de nacre? Eh bien, elle s'en est servie cette fois. Nous avons une scène terrible, j'ai voulu la désarmer. Elle est tombée en arrière contre le marbre de la cheminée. Ils sont tous mis à crier. Donc, je me suis sauvé pour tâcher de revenir ici quand même. Je crois bien que je l'ai tué. Nom de Dieu! Il faut que nous allions tout de suite là-bas. Tu peux marcher? Oui, je crois qu'il faudrait seulement que je boive un peu d'alcool. De l'alcool? Veux-tu que je prenne de l'alcool dans cette baraque? Appelle le maître d'hôtel. Monsieur a sonné. Vous avez de l'alcool ici? Oh, monsieur, quelle question. Un repas sans liqueur est un jardin sans fleurs. La maison Chauvin soigne alcools et vins. Nous avons toutes les liqueurs, monsieur, et un vieux calvados maison recommandé. Non, je voudrais du rhum. Ah ben justement, nous n'avons pas de rhum. Ça ne se demande plus. Nous avons bien un rhum fantaisie aux cuisines qui devait servir pour l'omelette flambée si tout s'était déroulé normalement. Mais je n'ose pas le recommander à monsieur pour la consommation ordinaire. Nous descendons. Portez tout de même votre flacon de rhum fantaisie à la voiture. Avec un verre, monsieur. Avec un verre. Du rhum fantaisie. Et au goulot, peut-être. Ah, quelle soirée! Quatrième acte, tous les personnages se retrouvent réunis dans la maison louée à Senlis. Ça va être bientôt fini. Le docteur dit que la blessure est très superficielle. Vous croyez que ça lui fait très mal? Un peu, je crois. Je ne voudrais pas qu'il ait mal. Cela ne doit pas être bien terrible. Vous ne tremblez pas, vous. Vous avez beaucoup de courage. Lui aussi, il a beaucoup de courage, mais en plus, il est terriblement douillet. Vous l'aimez, au moins? Pourquoi me demandez-vous cela? Vous avez l'air si calme. Lui, il vous aime, vous savez. Il vous a menti tout à l'heure. Il vous cherche depuis toujours. Qu'en savez-vous? Je le connais bien. Vous avez été sa maîtresse, n'est-ce pas? Moi, à votre place, je ne poserai plus une seule question. Vous savez qu'il vous aime. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qu'il a été avec nous? Vous avez raison, ça m'est égal. Il a été tout ce que vous n'aimez pas. Tout ce qu'il ne sera plus jamais, s'il peut partir avec vous demain. Parce que vous n'êtes pas encore sûr qu'il partira avec moi. Pas encore, non. J'ai une chance encore pour moi. Une sale petite chance toute noire que je ne peux pas vous dire. Vous croyez que vous me faites peur avec votre petite chance? Oh, je n'ai pas l'intention de vous faire peur. Vous allez essayer de le retenir, je le sais. Vous allez essayer de lui parler tout à l'heure. Non, je n'essaierai pas. Cela serait bien étonnant que vous le laissiez partir sans rien faire. Les autres essaieront peut-être, mais pas moi. Je n'ai plus rien à lui dire, moi. Cela vous amuse d'avoir l'air de me le donner? Oh non. Je n'ai pas le genre sainte, vous savez. Et d'ailleurs, mon Georges à moi, je ne pourrais pas vous le donner. Mon Georges à moi, vous n'en auriez pas voulu. Vous croyez? J'en suis sûre. Ce n'est pas du tout un bon jeune homme, vous savez, mon Georges à moi. Il est tout ce que vous devez haïr. Il est triste. Il n'est jamais sûr de rien, jamais. Il est injuste, il est brutal. Vous mentez? Oui. Lui aussi, il est menteur. Il donne des rendez-vous auxquels il oublie de venir. Il ne tient jamais ses promesses. Il est frivole, il est méchant, il fait des scènes. Vous voyez que c'est un drôle de Georges, mon Georges. À quoi ça peut-il bien vous servir de me dire du mal de lui? Mais ce n'est pas du mal. Je l'ai aimé ainsi, moi. Vous devez me détester, n'est-ce pas? Non. C'est drôle. Je vous ai détesté de toutes mes forces au début, quand il vous cherchait partout sans vous connaître. J'ai dû user toute ma haine. Maintenant qu'il vous a trouvé pour de bon, je m'aperçois que je ne vous déteste même plus. Moi, je vous déteste. C'est fini, docteur? Oui, mademoiselle. C'était une égratignure. Veillez seulement à ce qu'il repose pour que la fièvre ne monte pas. Mesdemoiselles, auriez-vous la bonté de me montrer le chemin? Je vais vous accompagner, docteur. Merci. Où est-elle? Elle n'est pas partie. Elle va revenir. Et tant toi, le médecin a dit qu'il fallait que tu te reposes un peu. Quelle bêtise, hein? Si je m'étais seulement évanoui un peu plus tard dans la voiture, vous ne m'auriez pas ramené ici. Tu es mieux. On ne t'a pas fait trop de mal. Non. Pourquoi est-elle sortie? Elle est allée raccompagner le médecin. Qu'est-ce que tu vas faire, Georges? Je ne sais pas. Ce n'est peut-être déjà plus à moi à décider ce que je vais faire. Il y a combien de temps que Robert est parti? Bientôt une heure. Mais il aurait déjà pu téléphoner? Il n'y a pas de téléphone ici. J'ai dû demander un voisin tout à l'heure au 34. Robert n'y aura peut-être pas pensé. J'aimerais mieux que tu ne pleures pas, Barbara. Moi, pleurer, penses-tu? Je ne pleure pas, on ne pleure pas toutes les fois qu'on se frotte l'œil. Ne mentons pas. Qu'est-ce que tu étais en train de penser? Je pensais que nous avions tant joué aux bandits tous les deux les premiers temps où nous sortions ensemble. Tu te rappelles? Nous étions traqués, nous étions obligés de fuir, nous prenions des taxis, nous entrions avec de terribles précautions dans les cafés. Voilà que tu joues aux bandits sans moi maintenant. J'espère de toutes mes forces que tu n'iras pas en prison, Georges. Et j'ai du mérite à espérer ça, tu sais. Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que si tu allais en prison, c'est moi qui viendrais t'attendre à la sortie. Je te dégoûte, n'est-ce pas? Tu ne veux même pas me répondre. Il dort. C'est la fatigue, sans doute. L'émotion. Ou bien ce sang qu'il a perdu quand il s'est évanoui tout à l'heure? Non. Il s'endort toujours quand il est malheureux. Pourquoi? Pour ne plus avoir mal. C'est un truc qu'il a. Un truc? Oui. Avec vous, il ne s'est jamais mis à boire un soir vers 5 heures? Jamais, non. Il ne s'est jamais mis à rire trop fort tout d'un coup? À chanter des chansons de régiment à tue-tête, à être gai coûte que coûte, trop gai? Jamais. Alors, vous voyez bien que nous ne parlons pas du même garçon. Eh bien... Où est-il? Là, il dort. Ah, c'est magnifique! Nous cavalons par les chemins nocturnes, pleins d'angoisse, nous échafaudons des plans, des évasions, des alibis, que sais-je. Pendant ce temps-là, monsieur se sent là et s'endort. Enfin, parle, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, tu vois, j'aurais voulu que ce soit lui qui me demande ça, qui me regarde avec ses yeux aux pupilles agrandies. J'aurais pris mon temps et avec cet essoufflement légèrement contenu des messages et des tragédies classiques, je lui aurais dit mon pauvre ami. Tu parlais oui ou non, idiot? Mais penses-tu une bosse, une simple bosse? Et madame est plus amoureuse que jamais. Elle pense maintenant, la malheureuse, qu'il doit l'adorer pour avoir failli aller jusqu'au crime. C'est le père Edgar qui lui a suggéré ça. Je dois dire qu'il ne manque pas d'imagination, le vieil artiste. Où sont-ils tous les deux? Je les ai laissés assis au pied du lit d'Henriette en train de tuer un peu prématurément le Vaugrat. Un peu prématurément, en effet. Georges a décidé tout à l'heure de partir avec moi pour les Pyrénées. Vous l'emmenez élever des abeilles? Oui. À quel titre? Apiculteur stagiaire? Non. Mon amant et mon mari, je pense. Dès que le divorce sera prononcé. Petit délicat, monsieur a senti le besoin de se refaire un peu à la campagne. Alors d'un très gracieux coup d'épaule, il nous balance tous et prend le train demain matin. Pouvons-nous nous opposer à ce que monsieur aille faire une cure, ma chère amie? Je ne le pense pas. Que nous reste-t-il à faire, ma chère amie? À nous en aller. Noblement? Noblement. Avec une galanterie bien française, un sourire également bien français, la main sur le cœur, le pied au derrière, le mouchoir bien haut pour l'adieu final, adieu et soyez heureux, vous l'avez mérité. Vous n'entendrez plus jamais parler de nous. Non mais sans blague. Vous figuriez que ça allait se passer comme ça, ma chère petite demoiselle? Vous figuriez que c'était fait? Vous fileriez demain vers le bonheur avec le délicieux petit jeune homme? Oh, je ris! Vous m'entendez? Je ris! Je m'installe. Qu'est-ce que vous faites? J'attends qu'il se réveille. Un conseil. Vous m'êtes sympathique, vous ne savez pas ce que je ferai à votre place? Je partirai avant. Vraiment? Et pourquoi? Monsieur est amoureux, c'est entendu. C'est chaud, c'est tendre, ça pétille. Mais elle n'est pas folle, la guêpe. Monsieur rentre toujours en fin de compte quand il faut rentrer. En tout cas, jusqu'ici, après des aventures semblables, monsieur est toujours rentré à la maison. Et il n'y a aucune raison pour qu'il ne rentre pas cette fois encore avec nous. Je crois que cette fois, il faudra vous y résigner. Georges ne vous suivra pas. Mademoiselle, si vous étiez sage, vous me croiriez. Je suis un homme d'âge, j'ai l'expérience, comme on dit. Je connais bien monsieur. Il m'a fait le coup 10 fois. Taisez-vous. Je ne veux plus vous écouter. Ah, vous avez tort. Je suis en train d'essayer de vous épargner une grande folie. Mademoiselle, ce bel endormi trompe son monde. Cet innocent jouvenceau est un monstre. Il n'est absolument pas fait pour vous. Votre vie me paraît toute claire, toute tracée. Prenez le train toute seule demain à la gare d'Orsay et retournez vers vos abeilles, vers vos grands chiens, vos saintes grand-mères. Mademoiselle, au nom de vos saintes grand-mères. Maintenant, vous me fatiguez. Mais moi aussi, je me fatigue, je m'épuise. Mais je le fais parce que j'ai le sentiment que c'est mon devoir. Évidemment, pour vous, je sais. Je suis un homme méprisable. Mais ça vous fait rien, précisément, qu'un homme méprisable, ému par je ne sais quel étrange pressentiment, se donne tant de mal pour éviter à une jeune fille inconnue de gâcher sa vie? Rien du tout. Oh, vous êtes très dur. Moi, à votre place, je trouverais ça bouleversant. Non, sincèrement, mademoiselle, vous croyez qu'il vous aime assez pour jeter sa vieille peau par la fenêtre et devenir un vrai petit agneau, monsieur? Oui, je le crois de toutes mes forces. Oui, je crois que je lui apprendrai le bonheur. Mais comme si ça s'apprenait, le bonheur. Mais il faut avoir beaucoup de dons, mademoiselle. Ah, je vous dis que c'est touchant. Tu n'es pas touchée, toi? Moi, je suis touchée. Taisez-vous. Vous ne dites tout cela que parce que vous le haïssez. Même pas. Je ne suis plus sûr de le haïr encore. Je l'ai trop dit sans jamais rien faire. Ça s'était vanté. Tenez, je vais vous dire quelque chose de drôle, mademoiselle. Et tout à l'heure, dès que j'ai commencé à parler, j'ai compris que je ne vous convaincrais pas, qu'il vous suivrait. Mais j'ai continué pour qu'il s'éveille et qu'il me flanque dehors. Parce que quand je suis lancé et que je parle et que je m'enfonce, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me fasse taire et me flanque dehors. C'est un service qu'on me rend. Sans quoi je continue, je m'épuise. Et je me fais autant de mal qu'aux autres. Bien maintenant, mon vieux, c'est même pas la peine d'attendre qu'il s'éveille. Tu crois? Dans ce cas, mademoiselle, je serai bref. Notre fin de mois va être extrêmement difficile. Pouvez-vous me prêter 5000 francs? Vous me croyez donc riche, moi aussi? Je suis presque pauvre. 2000. 2000, oui, peut-être. J'ai à peu près ça dans mon sac. Mon petit Robert, excuse-moi de te faire cette peine. Comment? Mais qu'est-ce qui te prend, toi? T'es folle? Pas du tout. Oh, le geste est d'une allure, ma chère. Je le raconterai, croyez-le, au patron des restaurants à prix fixe, auquel nous allons être réduits dès la semaine prochaine. Et je ne doute pas qu'en échange, il ne nous offre un entrecôte. Mais si c'est que tu as voulu faire un beau geste, il est fait maintenant, ton beau geste. Alors fiche-nous la paix. Non, n'écoutez pas cette enfant, mademoiselle. Je vous en prie, elle a eu un mouvement inconsidéré. Non, Robert. Mais mademoiselle se proposait tout simplement de nous aider dans un moment difficile. Eh bien, je ne veux pas qu'elle nous aide. Si nous nous mettons tous à être nobles, on n'en sortira jamais. Il en faut des nobles, mais pas trop. Oh, tu as raison, mon vieux, je suis idiote. Si nous nous mettons tous à être nobles, nous n'en sortirons jamais. Il n'en sortira jamais, lui surtout. Donnez-moi cet argent, mademoiselle, ce sera plus simple pour lui après tout. Bravo, prenez-la au mot, cher ami, et restons-en là. Où sont papa et maman? Avec Henriette, qui se porte comme un charme, une simple bosse, mon vieux, c'est à recommencer demain. Oh, je ne veux même pas retourner là-bas. Je ne veux rien de ce que j'ai là-bas. Demain, j'aurai un autre costume, une autre chemise, je prendrai le train. Nous savons. Pourquoi es-tu revenu, alors? Te dire au revoir, peut-être. On s'adore ou on ne s'adore pas? Il faudrait s'entendre. Tu diras à papa et à maman que je reviendrai dans quelque temps à Paris pour les formalités du divorce, que je vais travailler, que je les aiderai dans la mesure du possible. Il faudra peut-être que papa cherche quelque chose à faire. Il cherchera, sois sans crainte. Il cherche d'ailleurs depuis 30 ans. Mais on a tant de mal à trouver une place de nos jours. Je vais leur donner tout ce qui me reste. Ils vont aller à l'hôtel sans doute les premiers temps. Maman va vouloir descendre dans un palace, naturellement, comme toujours, pour ne pas déchoir aux yeux de ses amis. Et papa va la suivre en croyant que le prix de la chambre, c'est pour la semaine, vin et café compris. Le vieil artiste est en retard sur nous de plusieurs guerres. Tâche de leur faire comprendre qu'ils sont assez grands pour être raisonnables maintenant. Qu'il faut qu'ils vivent au moins 2 mois avec ça. Je vous demande pardon de ces détails. C'est moi qui vous demande pardon. Je vais vous laisser, Georges. Merci, Isabelle. Cela va être tout de suite fini. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire, tous les deux? Je te répondrai avec un mot du vieil artiste. Nous allons aviser, mon cher. Est-ce que Barbara va être obligée de travailler? Ça ne te regarde pas. Je ferai un compte plus exact de ce qui peut me rester. Et je t'enverrai quelque chose. Je te remercie. Justement, c'est un peu gênant de te dire ça dans un moment d'émotion, mais... Enfin, je voulais t'avertir ce soir si tu étais rentré dîner. J'ai reçu la note du tailleur. Et tu sais, le tailleur... Oui, c'est bon, je t'enverrai ça aussi. 1500 francs. Ah? Tu m'avais dit 3000? Mais oui, mais c'était 1500. Tu es honnête à ta manière. Tout le monde est honnête d'une certaine manière. Le malheur, c'est qu'il n'y en a qu'une qui est officielle. Voilà. Voilà. Il y a une chose que je voudrais tout de même savoir. Pourquoi lui as-tu dit que je t'avais sauvé la vie en barque autrefois? Tu as oublié ce jour de gros saoule en Bretagne où je croyais que je n'arriverais pas à reprendre pied. Tu étais vert de peur, mais tu as tout de même mis le canoë à la mer. Nous avions 12 ans. Comme le temps passe. Écoute, après tout, nous n'en sommes plus à un détail près. Si je te gêne pour dire adieu à Barbara, je peux sortir. Non, ne sors pas. Cette jeune fille doit s'impatienter, Georges. Je t'assure que tu devrais la rappeler maintenant. Oui. Je voulais te dire au revoir avant. C'est fait depuis 5 minutes. Mais nous ne pouvons pas nous quitter comme ça. Si, je t'assure que nous pouvons nous quitter comme cela. Mais qu'est-ce que tu es en train de chercher dans nos voix qui te ressemblent? Dans nos soucis qui te regardent? Tu n'en peux plus de nous. Je le sais depuis plus longtemps que toi. Alors dépêche-toi de nous flanquer dehors, j'ai mal, moi. Moi aussi, j'ai mal. Je l'espère bien, Georges. J'ai mal, mais il faut que je vous quitte, c'est vrai. Que je te quitte, Barbara, pour toujours. Pour toujours, oui. Ceux qui quittent une maîtresse lui promettent leur amitié pour adoucir un peu leur départ. Je ne te promets même pas mon amitié. Je te promets ma haine. Mon dégoût, Barbara. Ton dégoût, oui. Nous avons tous mené une vie ignoble autour d'Henriette, mais surtout nous deux. Eux ne pensaient qu'à l'argent, mais nous, au milieu de ces petites combinaisons, de ces sales complicités, nous avons fait les gestes de l'amour. Les gestes, oui. Je te demande pardon, Barbara. De quoi? De la sale vie que je t'ai fait mener. Oh, tu sais, il ne faut pas... C'est plutôt moi qui te remercie de cette sale vie. Je vais la chercher. Barbara! Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Que pour moi c'était tout simple, toutes ces horreurs? Aussi simple que son clair bonheur pour ta jeune fille parce que je t'aimais? Tu crois que ce sera plus facile après? Mademoiselle! Mademoiselle! Voilà, nous allons partir. Nous sommes entièrement d'accord, mon mari et moi. Merci pour l'argent. Quel argent? Rien du tout, rien du tout. Une plaisanterie, une erreur. De l'argent que nous lui avons demandé pour compenser celui de Madame Henriette. Tu ne te figures pas que nous allions te quitter sans argent, tout de même. Pour qui nous prends-tu? Je vous défends de rien accepter d'elle. Je vous enverrai tout ce que j'ai. Ce sera vite fait, tu n'as plus rien. Dis donc, Robert. Ma chère amie. Si nous nous en allions maintenant, hein, qu'est-ce que nous fichons ici? C'est juste. Du tact, ma chère amie, du tact avant tout. Mademoiselle. Entrez, mesdames et messieurs. N'hésitez pas, entrez. N'ayez pas peur. Voyons, vous êtes ici, chez vous. Entrez, entrez. C'est ici la maison du bonheur, de la dignité et des joies permises. Regarde-moi ça, fillette, si c'est beau. Ça, c'est de la famille, de la vraie, pas ignoble. Regarde-moi ça si ça pète les bons sentiments, ou dis-moi si ça sait les feindre. Et pour une famille, c'est l'essentiel. Mais enfin, monsieur, que nous voulez-vous? Je ne sais pas ce que vous avez, c'est ridicule. Erreur, monsieur, erreur, c'est pathétique. Vous êtes comédien, je crois, monsieur. Oui, monsieur. Alors, oui. Vous allez pouvoir me donner un conseil. Nous avons fini notre scène. Comment croyez-vous que nous devons sortir? Oh, mais monsieur, une sortie, cela ne s'indique pas comme ça. Ça dépend de la situation, du personnage. Quel personnage jouez-vous? Les traîtres. Ah! Il y a de belles sorties à faire avec un traître. Albert Lambert sortait en se drapant dans sa cape. Je suis en veston, cela manquerait d'ampleur. Le regretté Sylvain, dans Arnolf, sortait presque en courant, sans regarder personne. Malcommode, nous voulons voir tous les visages jusqu'à la fin. Et Sarah Bernard, elle ne sortait pas. Elle restait en scène, carrément, jusqu'à l'acclamation finale. Oui. On ne va pas nous acclamer. Et puis d'ailleurs, nous autres, nous devons vraiment sortir. Mounet! Mounet, alors, le grand Mounet, quand il devait sortir, il s'avançait d'abord jusqu'à la rampe. Trop dangereux! D'ailleurs, ne cherchez plus maintenant. Nous avons franchi les 3 mètres qui nous séparaient de la porte. Les 3 derniers mètres qu'on met quelquefois des années à franchir, et pendant lesquels tout peut recommencer 10 fois. Personne n'a bougé. Personne n'a prononcé un mot, poussé un cri. Une fois, 2 fois, 3 fois. Personne. Alors voilà, nous sommes sortis. Raté. Personne n'est jamais sorti comme ça. Ils sont partis, Georges. Oui, Isabelle. Vous allez pouvoir vivre maintenant. Oui, Isabelle, je vais pouvoir vivre. Qu'est-ce que c'est? Rien. C'est la portière d'une voiture. Voilà. Le moteur ne voulait pas partir. Maintenant, il est parti. La voiture démarre. Elle a déjà atteint le bout de la rue. Elle a franchi la lueur du dernier lampadaire. Elle est entrée dans la nuit. Elle n'existe plus. Vous êtes terrible, Isabelle. Je suis le bonheur. Et c'est toujours un peu terrible, le bonheur. Je demande pardon à monsieur et à mademoiselle, mais me serait-il enfin permis d'annoncer à madame qu'elle est servie? Oui, maintenant. Enfin. Madame est servie. Oh, à table, les enfants, il est 5:00. Je pense que nous allons faire un drôle de dîner. Erreur, madame, erreur. Rien n'est réchauffé, tout est froid. Miracle de la maison Chauvin. Oh, pardon, je voulais dire... Ça ne fait rien, allez, pour un repas de famille. Ainsi s'achève le rendez-vous de Senlis, pièce rose en 4 actes de Jean Anouilh. Nous vous en rappelons la distribution. Le rôle de Georges était tenu par Michel Vitold. Robert, son ami, était José Arthur. Barbara, la femme de Robert et maîtresse de Georges, Nadine Allary. Madame et Monsieur Delachaume, les parents de Georges, Denise Gray et Jacqueline. Aimée, la femme de chambre, Hélène Garot. Isabelle était Emmanuel Riva. Philémon et Madame de Montalembreuse, Guy Pierrot et Rose Ivart. Le maître d'hôtel de la maison Chauvin, Paul Fèvre, et la propriétaire, Marguerite Pierry. La prise de son était assurée par Albert Laracine. C'était Le théâtre où l'on s'amuse, une production et réalisation de Philippe Soupeau et Jean Chouquet.